Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Sébastien Guertin sera certainement physiquement et j'imagine mentalement présent pour son bulletin Guertin. Et Gabriel Bioud baissera le niveau de bass de la station en allant dans les quiz de la lutte. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 16 novembre 2016, à 162 jours de la fin de l'année scolaire, en temps direct des studios, c'est fou à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Je suis de retour, je sais pas si tu as remarqué que j'étais pas là hier au palmarès. J'ai eu un petit vent de ça. Ça serait une joke de pète quand tu dis ça. C'est vrai, mais je suis oui, désolée. Un petit vent. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais, c'est pas surtout là que j'étais censé animer avec toi. Absolument, on s'était préparé, on avait travaillé si fort pour cette émission-là. Exactement. Bon, c'est pas grave, on reviendra la semaine prochaine. Mon petit malaise semble être terminé. Est-ce que ça va mieux? On veut juste savoir si ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ça. Exact. Aujourd'hui à l'émission, on a Gabriel Béaud à 8h30 pour sa chronique dans les coulisses de la huître. Donc, on va parler d'improvisation. Il y avait un match lundi soir entre les Verts et les Rouges. Mm-hmm. Le match de jeudi qui va avoir lieu contre les Scabs a été annulé finalement. Oh, d'accord. Donc, on va parler de ça, j'imagine, tantôt. La raison de l'annulation, on sait pas. Encore. Gabriel va nous dire ça. C'est un mystère. Ta collègue s'en vient, Tania, is gonna entertain you. Quoi neuf? Bien, il commence à faire froid. Ça veut dire qu'on va prendre des habitudes autres que celles qu'on a durant l'été, mm-hmm, bien souvent. Alors, je vais vous parler de ces habitudes-là. Génial. OK, donc, habitudes, hivernale, température, froid, faut que je retienne ça. Ça dépend. Mais vous allez voir okay, quel genre d'habitude je vais vous parler. Mais je t'ai dit hier qu'il fallait que je le répète, sinon je vais l'oublier. Oui, c'est sûr. Quand ta chronique va arriver tantôt. C'est vrai. Alors, on va aussi s'acheter des gadgets dans ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, mais avant ça, Sébastien F. Guertin. Je sais pas s'il a apprécié le fait que son intro aujourd'hui était le plus générique possible. Oui! Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose à dire contre. Donc aujourd'hui, t'es là, t'es présent. C'est ça que ça fait? Oui, je suis présent. T'es là. Donc c'est la chronique Bulletin Guertin. On se tanne pas de ce bumper. Ben, hein? Tellement pas. Pour vrai. T'en as eu d'autres, je pense, avant, mais celui-là. J'en ai eu un qui a duré une session. Ouais. Puis après ça, quand on a recommencé en septembre, c'est celui-là qu'on a fait. J'ai bien aimé celui, le premier aussi. Le premier, ouais, c'était Elbow. La ouais, toune, c'était quoi donc? C'était Grounds for Divorce. Oh, wow. Grounds for Divorce. Grande mémoire. Ouais. Ah, j'écoute encore la chanson, mais moi, j'ai Black Keys, ça a une petite place dans mon cœur. Grounds for Divorce de Elbow. Ouais. Genre. OK, donc aujourd'hui, dans ta grande bulletin Guertin, où on parle d'actualité, on parle de politique, des fois, on parle de pas mal n'importe quoi. Ouais. De quoi on parle? Aujourd'hui, une grosse nouvelle. En fait, là, la semaine dernière, on a eu les yeux pas mal rivés sur notre voisin du sud, mm-hmm, où l'herbe est toujours un peu plus jaune, comme j'aime le dire à mon émission. Oui, lundi 11h, je pense que je me battre un record. C'est le plus tôt que tu le fais dans ta chronique. Je pense que c'est ça. Mais l'herbe du voisin, c'est vraiment littéralement comme ce qui pousse sur la tête de Trump. Ça. Non, c'était pas ça le but. Exactement. Okay. Mais non, en fait, on avait... On avait commencé ça avant, on avait commencé ça dans la première saison de notre émission, puis c'était au début on faisait juste regarder les primaires démocrates. Ouais. Parce que bon, moi puis Lucas, mon collègue, on était toujours mon co-animateur, je devrais dire, on était toujours très fan de Bernie Sanders. Ouais. Donc notre première déception par rapport à toute cette campagne présidentielle américaine là, ça a été quand que Clinton a remporté l'investiture. Parce que c'est ça, nous on était bien fans de Bernie Sanders, mais déjà là, les couteaux volaient pas très haut, puis effectivement, veux pas, on suivait quand même un peu Trump de l'autre côté. Parmi ses 17-18 amis, c'est dans ça, les primaires, ouais. Puis c'est qu'on on entendait tout le temps... Ouais, c'est ça, parce qu'il y en avait des candidats républicains, c'était effrayant. On avait de la misère à suivre entre les semaines. On était obligé de se faire des tableaux, puis des fois, si notre tableau, on l'avait pas remis à jour tout de suite. Ouais. Il y avait des affaires erronées dedans. Ah, c'est ridicule. Il y en avait un qui avait droppé, il y en avait un nouveau qui était sorti de l'ombre. Il faisait deux débats de suite, genre avec deux groupes de candidats, parce que c'était trop nombreux. C'était quand même assez effrayant, ça. Mais en fait, là, on a parlé beaucoup de, de ce qui se passe aux États-Unis pour dire que je parlerai pas de ce qui se passe aux États-Unis. Ce qu'on vient de faire les 4 minutes, là, oubliez-le. Oui, c'est ça. Parce que jeudi, en fait, il y a eu deux gros événements. Il y a eu, bon, l'élection présidentielle américaine, finalement, où Trump a finalement été élu. Là, on l'apprend, c'est nouveau comme information. Non, c'est ça, on n'a pas encore assez parlé. Mais vous avez fait la moitié de l'émission hier là-dessus. Mais bref, la même journée, ou en fait le lendemain, j'ai dit jeudi, mais en fait c'était mercredi. Oui. La soirée. Ouais, la soirée électorale était mardi soir, donc c'était mercredi matin qu'on a su. C'est ça. Donc, le jeudi, à l'Assemblée nationale québécoise, la loi 70 a été votée. Qu'est-ce que la loi 70? C'est une loi que tu vas devoir que là je vais que comme un smash j'ai pas sorti parce que le nom est très très long en fait. Je vais commencer à l'expliquer, je vais vous dire le nom dans 2 secondes. Dans le fond, c'est une loi qui va modifier certaines choses par rapport à l'aide sociale. Oui, mm-hmm. ben oui. Les fameux 600 quelques dollars là. Exactement. Là, ce sera pas long, j'attends après mon Dropbox. Le vrai titre de la loi, c'est loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi, ainsi qu'à favoriser l'intégration en emploi. Ça, d'habitude, les gens qui m'écoutent souvent, quand il y a adéquation entre la formation et l'emploi, déjà là, ça me fait grincer des dents. Mais en plus, ça ne parle, je m'excuse du terme, on va le dire ce matin, fuck all de formation et de quoi que ce soit comme ça. Tout ce que ça fait, en fait, c'est que bon, premièrement, l'allocation de base de l'aide sociale, c'est-à-dire l'allocation qu'une personne seule, pas d'enfant, qui habite seule, reçoit, c'est 623 $ par mois. Là, je veux pas me craquer plus que ça matin, parce que c'est pas bon pour mon rythme, ça commence mal la journée. Mais on va faire un petit exercice. Imaginez-vous, mettons, vivre avec 623 $. C'est à peine ton loyer, là. C'est ça. C'est si t'habites tout seul, ton loyer te coûte probablement autour de 400-450. Ouais. Vitresse, tout à fait 200$. La TV, ça rentre pas tant là-dedans. Mettons, t'oublies la TV, le téléphone. Ouais, c'est ça. Téléphone, t'as une landline à 10$ par mois, c'est pas mal ça, tout. Tu fais des interurbains avec le 10-10-710. Il faut. T'as pas le choix. Tu fais pas d'interurbains. Non, c'est ça, t'en fais juste pas. T'abandonnes tes interurbains. T'appelles pas personne, en fait. Ton forfait d'Internet, on s'entend que t'as du ADSL de base, basic. 150 mégas. En fait, t'en as pas chez vous. Tu t'en vas, tu vas à la bibliothèque quand t'as allé sur Internet. Et c'est important parce qu'il faut que tu trouves une job pendant ce temps-là. Ben oui. Puis là, justement, c'est là-dessus qu'on vient taper. Puis là, il faut comprendre aussi que là, il s'est dit bien des affaires sur les BS puis tout ça. Puis l'émission Les Bougons, là, c'était bien divertissant puis c'était bien drôle. C'est l'exception. Mais ça représente pas la vie, OK? La majorité du monde qui se retrouve sur l'aide sociale, surtout les nouveaux demandeurs, surtout les jeunes nouveaux demandeurs, ben oui, il y en a une partie que c'est du monde sur l'aide sociale de génération en génération. Ça, faut les aider à s'en sortir. Faut pas leur mettre plus de conditions. Et surtout, moi, la place où j'en reviens le plus, parce que, bon, dans la vie, là, on parle souvent que je suis en philo, je fais ma maîtrise sur l'éthique, je deviens rouge quand ça parle d'immigration, parce que c'est mon sujet en éthique, mais j'ai étudié en psycho avant. Il fut un temps où je voulais être psychologue, peut-être même plus dans le communautaire, justement, puis, bon, je me suis informé beaucoup sur ces sujets-là, et... Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur l'aide sociale, en fait, suite à des burn-out. Parce qu'à un moment donné, le chômage paye plus. Puis à un moment donné, le burn-out, tranquillement, pas vite, ça fait son chemin. Le fait de considérer la dépression comme une vraie maladie, comme un vrai handicap, mais on s'entend-tu que c'est un handicap invisible? C'est ça, ouais. Il te manque pas une jambe quand t'es en dépression. Non. Puis les commentaires de « t'as juste à être heureux ». Ouais. C'est ça, il y a une petite BD qui circulait sur Internet, sur Facebook, là, que ça montrait, si on traitait les autres maladies comme on traite la maladie mentale dans le fond, tu sais, puis on voyait quelqu'un, mettons, qui a un bras coupé puis que ça pisse encore le sang, puis qu'on lui dit « T'as-tu essayé de ne pas avoir le bras coupé? » C'est tellement excellent. C'est des choses comme ça. Et ça, pour vrai, si quelqu'un comprend pas ça, c'est que vous avez un petit problème là. Suivez un peu. Ben, tu sais, ça a longtemps été la maladie mentale, longtemps été. La santé mentale a souvent été, parce qu'on essaye de plus virer ça de l'autre bord en même temps, là. Parce que justement, lui, c'est déstigmatisé à un moment donné, mais ça a souvent été vu comme. C'est comme changer des culture fausses du maladies. Viol pour culture du consentement. Consentement. C'est une très bonne idée. C'est effectivement une bonne idée. Puis en même temps, je suis pas un gros fan de la mocitine sur le mot, des fois, là. Mais bon. Là, j'ai fait une grosse... une aparté. Une aparté pour dire, parce que je pense qu'on a toujours un peu cette espèce de mentalité-là à briser de « Ouais, mais les BS sont là-dessus parce qu'ils sont bien, puis tout. » Non, t'es pas bien sur le BS. Non, ça le dire tout de suite, là. Oui, il y en a des bougons. Je ne pas que ça n'existe pas, mais c'est une minorité. C'est pas la majorité des gens. Puis c'est que la plupart de ces gens-là, ou je disais, tu sais, des gens qui sont en burn-out, en dépression, puis tout, des gens qui ont simplement perdu leur job à cause que l'usine a fermé ou quelque chose comme ça. Juste du simple fait que ça arrive, des fois, t'as besoin de quelques mois ou quelques semaines ou à la limite un an, des fois, c'est pas si long que ça dans la vie d'une personne, pour se remettre sur tes pieds. Parce que t'as travaillé 20 ans à la même place, mettons, 15 ans, puis t'as commencé à faire ça en sortant du secondaire. Bref, c'est tout des cas de figure, c'est des choses qui arrivent à toutes les semaines, qui arrivent à du monde qui ont pas nécessairement... C'est pas parce qu'ils veulent se pogner le cul, c'est parce que il leur est arrivé des choses qui ont fait qu'ils ont besoin du filet qui peuvent retomber dedans. Ouais. Puis tu sais, OK, je me pète pas la gueule à terre complètement, j'ai pas besoin d'aller toucher le fond du baril. Fond du baril étant l'itinérance, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. Parce que le but, c'est la ça, prostitution. Tu sais, à base, là, c'est ça qu'on oublie aussi, c'est que oui, OK, tu sais, c'est de donner un coussin à ces gens-là, mais c'est aussi éviter que ces gens-là se retrouvent en itinérance, que ces gens-là se retrouvent avec des troubles sociaux plus graves, des troubles physique plus grave à un moment donné, parce que quand tu nourris pas comme du monde, ben tu tombes malade, Colin, c'est normal. Fait que c'est du monde qui sont moins les urgences pis tout le kit. Bref, tout ça pour dire que je pense que j'ai fait mon très rapide défense de pourquoi l'aide sociale c'est important. La suite de ça, c'est que là, bon, ce qui est arrivé, en gros, la loi 70, ce que ça fait, c'est que depuis déjà le début du règne libéral récent, depuis plusieurs années, c'est sûr que c'est tout le temps un cheval de bataille des gouvernements libéraux, c'est d'aller malheureusement couper là-dedans, d'aller mettre des conditions de plus, certaines choses comme ça. Il y en a qu'on peut dire, ça pourrait partir d'un bon sentiment, mais au bout du compte, ça a vraiment l'air d'être rien que juste une manière de couper d'une autre manière. Dans le fond, depuis un certain temps, puis là, vous le remarquez, matin, c'est une de mes chroniques avec pas vraiment de casque, parce que j'aurais dû faire une recherche de plus là-dessus. C'est quand la dernière fois que t'as fait une chronique avec un casque? Ça fait longtemps, dans la semaine passée. Ouais, OK. Ah oui? Ouais, les notes étaient sur son téléphone cellulaire, c'est juste ça. Parce qu'ils n'avaient pas amené. Ça paraît à sa peau. Non, mais il y a des fois, c'est que je me prépare, mais je l'ai tout en tête. Exactement. Parce que pour l'auditeur, et je pense pour nous autres, t'as tout en l'air de savoir de quoi tu parles, parce que tu sais de quoi tu parles. Parce que c'est parce qu'ils utilisent des mots intelligents. C'est ça. Mais c'est exactement ça. L'université m'a appris à avoir l'air de savoir de quoi je veux parler. Ouais, un bon vocabulaire. C'est ça que ça sert de faire deux bacs et de maîtriser. C'est d'articuler tes mots aussi, tu as l'air plus intelligent que ceux qui allaient mal à la radio tout croche. Hein? Ça reste que je passe une partie de mon temps libre à lire sur ces sujets-là. Ouais. Fait que c'est sûr que maintenant, c'est des choses que j'ai en tête. Puis oui. Puis moi, je suis pas gêné de dire que bon, cette affaire-là, je suis moins sûr de ma chatte. Ben fait oui. Qu'ils prenaient là qu'un grain de sel les chiffres que je donne parce que je les sais pas par cœur. Puis je les ai pas revérifiés avant de m'en venir. Puis je les ai pas devant moi. Fait que ça, puis j'ai pas de gêne à le dire. Je veux dire, moi, je parle de. Je suis un gars de science humaine et moi, je suis pas un gars de chiffres. Transparence. Voilà. C'est bien ça, la transparence. Ben oui, ben oui. Divulgation, voilà. Quand même. Divulgation. C'est pas du divulgachage. Non, ça, ce mot-là. Hey, on repartira pas là-dessus. Bref, bon, c'est ça. Depuis un certain temps, c'était, on va le dire comme ça, on demandait aux gens sur l'aide sociale de tout de suite c'est important, qu'il n'y avait pas de contraintes à l'emploi. Il faut quand même leur donner ça. Mm-hmm. Les contraintes à l'emploi, c'est des handicaps physiques majeurs. Ouais. Si il te manque un bras, par exemple. Si il te manque un bras, des tendinites sévères quand t'es quelqu'un qui faisait beaucoup de travail de bureau, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Mm-hmm. Des gens qui ont des problèmes de tunnel carpien mais qui peuvent pas se faire opérer, des trucs comme ça. Bon, des gens qui travaillaient physiquement, qui ont le dos défait ou les bras défait ou n'importe quoi. Ce qu'un médecin peut. Ce qu'un médecin peut diagnostiquer de. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Des gens qui avaient pas de contraintes, c'est vrai. Des gens qui ont des qui sont malvoyants, qui ont des troubles auditifs, troubles mentaux, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas toujours très reconnu en fait. Ouais. C'est rare que ça va être reconnu en fait. Mm. Là encore, ça mériterait ça mériterait un doctorat là-dessus sur qu'est-ce qui est vraiment reconnu puis qu'est-ce qui l'est pas puis comment est-ce que dans quelle situation puis en tout cas. Parce que les troubles mentaux, c'est ça, c'est toujours quelque chose qui va être très difficile à faire valoir. C'est expert par-dessus expert, puis bon. Donc, c'est ça, les gens qui n'ont pas de contraintes sévères à l'emploi, ben faut suivre un cheminement vers l'emploi. Donc, faut rencontrer un spécialiste qui va établir un plan d'action pour retourner vers l'emploi. Orienteur, construction de CV, des trucs comme ça. C'est ça. Tu sais, puis un plan d'action, c'est de dire bon, ben moi, cette semaine, ma job, c'est de me reconstruire un CV. Cette semaine, ma job, c'est de me trouver un. Cette semaine, il faut que je voie un orienteur pour voir un peu dans quel genre de job je peux aller avec mes compétences, vers quoi je peux aller. La semaine d'après, c'est bon, construire un CV qui a de l'allure. Simulation d'entrevue. Commencer à envoyer des CV. Suivre telle formation qui était faite par, mettons, les centres jeunesse emploi ou par. Il y a d'autres choses pour quand on est rendu plus assez jeune pour aller là-dedans, qui vont m'apprendre comment les sites de recherche comme les sites d'Emploi Québec et ces affaires-là fonctionnent. Tout comme ça. Ça a l'air bien basique sur papier, mais quand tu es en dépression majeure puis que le simple fait de même pas sortir de ton appart, sortir de ta chambre, c'est un challenge. S'entend que. Bon. Puis pourquoi est-ce que j'en viens là? C'est que la loi 70, qu'on a beaucoup parlé, c'est qu'en fait, ça donne le pouvoir au gouvernement de retirer le tiers de la location. Donc, qui est déjà, on s'entend, pas quelque chose de faramineux, qui est 623 $, le baisser jusqu'à 399. Mm-hmm. Donc, ils sont arrondis à 400. Pour les gens qui ne suivent pas un cheminement de retour à l'emploi, dans le fond. Les gens qui ne font, entre guillemets, rien. Ouais. C'est ça. Mais bon, et ça va, puis ça, c'est le bout qui a le plus insulté le monde. Parce que si t'as 400 $ et que c'est ton loyer coûte 400 $, t'as 399 $, ton appartement coûte 400, il te manque une pièce, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à travailler au noir? Ouais. T'sais? Tu commences à travailler au noir ou. Si tu viens d'écouter ce qu'il vient de dire, il a dit pour ceux qui ne suivent pas le cheminement. Ouais. Ça veut dire qu'eux, ils appellent chez vous aux deux jours pour savoir ce que t'es en train de faire. Ouais. Mmh. Si tu dis, ben j'ai pas envoyé de CV encore, là, j'ai pas eu le temps, tu sais, c'est noté à ton dossier. Ouais. Puis là, on sait pas encore de quelle manière ce pouvoir-là va être appliqué. En théorie, c'est sûr qu'il va avoir comme un genre de pouvoir discrétionnaire de ceux qui vont appliquer ça, comme n'importe quel. On s'entend, c'est pas la police qui va se pointer chez vous non plus. Non, je sais. Mais c'est le fonctionnaire qui va être en charge de ton dossier qui va pouvoir décider de, ben toi, on te coupe la location parce que tu te pognes le bain. Est-ce que les fonctionnaires vont avoir le loisir de justement d'avoir un pouvoir discrétionnaire par rapport à ça? Je m'excuse pour la gorge ce matin. Comme je vous disais avant l'émission, mon cadran n'a pas sonné. Fait que j'ai flyé en dehors de mon lit. Je me suis allé, je me suis envenu. T'as dit ça pour moi? Je me rappelle. T'étais trop occupé t'occupé de tes jokes. Oui, exactement. Mais, de pète en passant, on se rappelle. Mathieu nous fait c'est des de l'improvisation. J'ai pas écrit ces gags-là. OK. Mais Mathieu nous regarde avec des petits yeux de lémurier fâché. Hey, c'est qui le boss site? Donc, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est le bout qui a le plus fait jaser. Et c'est déjà quelque chose, en fait. Françoise David de Québec solidaire, d'ailleurs, je vais revenir à elle dans pas trop longtemps, a dit que c'est la première fois, en fait, que le gouvernement va jusqu'à toucher l'allocation de base. Mm. Quand on faisait des coupures dans l'aide sociale, c'était souvent à propos de mettons les allocations de plus qu'on va donner, mettons bon t'as un handicap physique de telle sorte, on te donne tant de plus parce que mettons faut que tu t'achètes un fauteuil roulant, c'est le mot que je cherchais, excusez. Ça reste une chaise, mais bon, on appelle ça un fauteuil roulant. Je m'en allais dire une chaise à roulette, mais c'est pas ça. un fauteuil roulant. Une chaise à roulette. Vraiment pas la même affaire, vraiment pas le même prix d'ailleurs. C'est comme faire des culbutes, c'est comme une planche à roulette. Ouais, c'est ça. C'est une. Bon, dans le fond, c'est toujours dans ces allocations supplémentaires-là qu'on a cherché. Mettons, si t'as des enfants, t'as des allocations de plus. Des trucs nécessaires quand même, mais on. C'est ça, nécessaires de plus, mais qui sont cas par cas. Là, c'est dans l'allocation de base qu'on va couper. C'est la première fois. Françoise Davis a dit que c'était une honte. Mm. D'ailleurs, petite parenthèse qui va peut-être devenir un peu longue, mais en tout cas, je vais la faire pareil. Quand ils ont voté pour cette loi-là, on s'entend que toutes les oppositions ont voté contre. Mais les libéraux étant majoritaires, ils ont voté pour, de toute façon, donc ça a passé. Puis les trois députés de Québec solidaire, c'est-à-dire Françoise David, Amir Kadir et Manon Massé, ont voté le dos tourné en signe de « nous autres, on veut même pas dignifier de cette proposition-là, parce qu'on trouve ça abject, puis on vote le dos tourné en signe de... » Ils ont fait des Colin Kaepernick d'eux-mêmes, ils sont pas mis à genoux, mais... Exactement, ils sont mis dos tourné à la place. Puis là, ça a fait un outrage complet à cause de ça. Ben voyons donc, c'est un outrage à l'Assemblée nationale et à tout ça. C'est comme, ouais, mais eux autres, ce qu'ils considèrent, en fait, c'est, je veux dire... En politique comme ça, eux autres ont été élus avec un mandat très... Tu sais, ces députés-là qui ont été élus avec un mandat très clair de pas seulement limiter les coupes dans le filet social des Québécois, mais aussi de à la limite l'améliorer. Tu sais, on s'entend que QS, c'est ça le cheval de bataille, c'est le filet social, c'est un parti qui se dit socialiste à la base. Mm. Fait, c'est sûr que les autres, c'est complètement à l'opposé de leurs valeurs. Fait, je veux dire, c'est ça très cohérent ouais. avec leur position. Puis je veux dire, en tant que quelqu'un qui a déjà voté pour eux autres, moi, je trouve que je suis pas fâché du tout qu'ils aient fait ça. D'ailleurs, dans notre système britannique, en théorie, le système d'inspiration britannique, on va dire, ce qui fait que le gouvernement au pouvoir n'est pas une vraie dictature, c'est qu'il y a une loi non écrite qui dit qu'il est supposé de tenir compte de l'opinion des oppositions. Et les oppositions se sont mis très très contre ça. Les concessions que le gouvernement a faites à l'opposition. Puis quand je dis à l'opposition, c'est QSPQ aussi. Premièrement, il va y avoir une évaluation dans 2 ans des impacts que ça a eu. Françoise David s'est dit un peu soulagé de ça, au moins qu'au moins il y a une évaluation. Moi, je le suis pas du tout, parce que l'évaluation, ça va clairement être yank. OK, on a économisé temps avec ça. Voilà. Parce que il estime à 50 millions ce qu'on va sauver, ce qui est des peanuts comparé à ce que ça va coûter en coût social dans les organismes à but non lucratif, dans le communautaire en général, sur notre système de santé aussi. C'est des peanuts, 50 millions par rapport à ce que ça va augmenter. L'autre chose aussi qu'ils ont donné comme petite concession, c'est que c'est seulement les nouveaux demandeurs qui vont avoir ça. Ouais, ceux qui l'ont déjà. Au moment que la loi passe, ne seront pas touchés par cette mesure. S'en sauve. C'est un petit peu pour, justement, contraindre le fait que les gens y vont de plus en plus. Là. C'est sûr que c'est ça. Ouais, mais en même temps, les gens y vont-tu vraiment de plus en plus? Ou, tu sais, ça, c'est... J'ai de la misère quand on dit ça, parce que... Il y a des fermetures d'un paquet de choses dernièrement. Fait qu'en surtout même temps, d'usines. C'est ça, tu sais. Ouais. Puis le temps du monde qui reste dessus longtemps, c'est vraiment du monde que faudrait leur mettre. Tu sais, je veux dire, on se mentira pas. Il y en a qui ont besoin de se faire botter le derrière un peu pareil. Mais je veux dire, le problème, c'est que cette volonté de botter le derrière à ce point-là de certains qui en ont besoin, c'est que ça va nuire à d'autres qui n'en auraient pas besoin. Puis ça va. Tu sais, moi, je pense à le cas un peu cliché de le monsieur qui a travaillé 20 ans dans une usine, qui a un secondaire 5, puis qui, du jour au lendemain, se retrouve sur le chômage. Puis là, son chômage fini, il a eu de la misère à se retrouver une job parce qu'il est quand même pas jeune. Puis, tu sais, c'est souvent du monde comme ça. Lui, il aurait été peut-être une couple de mois sur l'aide sociale, gros max. Mais là, vu qu'il se fait tellement couper, il est plus capable de faire ses paiements d'hypothèque, un paquet de choses comme ça. Puis même dans d'autres situations, le trouble qui arrive avec ça, c'est qu'en coupant à ce point-là, pis c'est tout là, en fait, l'aspect éditorial un peu de ce que je voulais amener, c'est que c'est contre-productif, en fait, parce que déjà avec le chèque de base, t'es déjà dans un... t'es déjà flush sa fesse, évidemment. Puis t'as besoin d'outils pour te chercher une job à cette heure. C'est plus comme dans le temps où tu faisais imprimer une badge au dépanneur du coin. Badge de CV au dépanneur du coin, tu te pointais tes données, tu serrais la main du boss. Puis tu faisais une bonne impression ou non, puis le boss te rappelait en entrevue sur la base de cette impression-là, puis du CV. À cette heure, il y a des moyens techniques, c'est compliqué. Je veux dire, personnellement, là, on s'entend, j'ai pas 30 ans, là, puis me chercher une job, j'haïs ça. Honnêtement, c'est rendu compliqué. Il y a LinkedIn, des fois qu'il y a des jobs, faut que tu passes par ça à cette heure, t'as pas le choix. Faut que tu postules en ligne. Faut que tu postules en ligne, c'est des longs. Moi, je postule dans un cégep dans ce temps-ci. Puis c'est encore plus difficile. Me mets un 30 minutes, une demi-heure, un 30 minutes, 40 minutes par cégep. Parce que c'est des trucs en ligne à remplir. Puis premièrement, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Puis c'est long et compliqué. Puis honnêtement, je veux dire, je considère que je ne suis pas si pire avec tout ce qui est technologie. Mais c'est compliqué puis c'est long. Puis il faut que tu prennes le temps de lire parce que c'est de la job. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui, justement, est moins porté sur l'électronique puis l'informatique puis les trucs en ligne, qui n'a jamais travaillé vraiment avec ça dans la vie. C'est compliqué. Oui, ça te prend de la formation. Il faut donner des conditions. Tu sais, je veux dire, il y a quand même justement les fameux parcours de les plans d'action puis tout qu'on fait à ces gens-là. C'est des choses pour les aider. On inclut des formations là-dedans pour les aider. Mais c'est parce qu'il faut pas, en même temps qu'on leur donne la main pour les traîner, faut pas leur couper l'herbe sous le pied non plus en même temps. Tu sais, du même souffle, leur mettre un boulet de plus. Mm-hmm. Fait que je trouve que c'est ça, le problème avec ça, c'est que c'est contre-productif. Puis ça va, ça s'est basé sur certaines prémices idéologiques avec lesquelles j'ai beaucoup de misère, puis qui se reflètent pas tellement dans la recherche qui se fait sur le sujet présentement. ça en fait, c'est encore là, c'est que ça prend pour acquis qu'il y a une majorité de gens sur le BS qui c'est des sur le BS. C'est un peu des, comme on c'est dit, là, sur des préjugés. Des bougons, là, dans le fond. Ouais. Où est-ce qu'ils sont sortis, ces préjugés-là? D'où est-ce qu'ils sortent? Ben, ça, c'est quasiment une question d'anthropologie, en fait. Là, je pense qu'une des affaires, c'est que il y a quand même, veux pas, les, ça, c'est une affaire qu'il va y avoir dans tous les domaines à peu près. Il va y avoir des exemples saillants, mettons, qui vont nous rester dans la tête, puis qu'on va avoir tendance à penser que c'est généralisé. Ouais. Le bougon cliché, moi, personnellement, de où est-ce que j'ai grandi, il y en avait. Ouais, on en connaît genre, tous. J'en connais. J'ai travaillé dans un dépanneur qui était proche d'un milieu semi-défavorisé. Puis il y en avait une coupe qu'on le savait que c'était des. Puis qui se vantait quasiment des passe-croches qu'ils faisaient, puis tout ça. Mais dans ce milieu défavorisé-là, c'était une ou deux familles qui étaient comme ça. Puis le reste, c'était du monde qui avait. Puis entre autres, ça, c'est une affaire qu'on a tendance à oublier. On fesse beaucoup sur ceux qui sont culturellement, entre guillemets, sur l'aide sociale, qu'ils sont de père en fils, puis tout ça. Mais souvent, c'est qu'il faut leur tendre la main à eux autres. C'est ça l'affaire. Ils ont tellement. Tu sais, les jeunes de ces familles-là ont tellement grandi, puis ça, c'est justement cette génération en génération. Ils ont tellement grandi avec l'idée qu'ils étaient yang bons à ça. Qui essayent même pas d'aller à l'école, ils essayent même pas de se trouver des jobs. D'eux autres, c'est dans leur tête, leur vie s'arrête à ça. Puis oui, ils vont avoir quelques petites jobines au noir pour survivre, des choses comme ça, parce que c'est souvent ça qui va arriver. Puis c'est pas du monde qui veulent pas travailler, c'est juste du monde qui ont jamais eu dans la tête, tu peux aller plus loin. Mm-hmm. Puis je parlais de il y a une couple de semaines à l'émission d'une étude qui était sortie comme quoi qu'au Québec, on a un gros problème d'inégalité entre les écoles. Puis là, quand je parle d'école, je parle même pas d'université, je parle des écoles primaires, secondaires, l'éducation obligatoire. De commission scolaire en commission scolaire, par exemple. Même d'école à l'intérieur de la commission scolaire, entre certaines écoles, il y a des grosses différences. Les écoles dans les milieux plus favorisés, les parents vont avoir tendance à plus s'impliquer dans l'école, vont avoir tendance à beaucoup plus pousser pour que l'école se botte là derrière à faire des programmes spéciaux, puis ainsi de suite. Tandis que des milieux défavorisés, ben ça se fait pas. Cette partie-là se fait pas. Puis on va se le dire, les écoles des milieux favorisés vivent ce qui leur permet de vivre un peu mieux, d'avoir des locaux qui ont de l'allure, puis tout, ben c'est le fait qu'il y a ils ont des fondations qui runnent un peu plus, des comités de parents qui runnent un peu plus, qui font du bénévolat, qui vendent du pain, des oranges, d'un peu tout pour ramasser de l'argent pour l'école. Ces fameuses campagnes de financement là, qu'on voit un petit peu partout et qui parlent de chocolat. C'est ça, mais qu'on s'entend que des milieux défavorisés, puis on s'entend des milieux défavorisés, c'est pas tous des gens sur l'aide sociale non plus, c'est des gens qui travaillent souvent juste au salaire minimum, des choses comme ça. Ils n'ont pas le temps, premièrement, parce qu'ils ont une peine déjà à joindre les deux bouts, fait qu'ils vont pas aller commencer à aller... Ça crée des inégalités parce que ça fait des écoles que, bon, tu sais, les écoles qui tombent en ruine, qui n'ont pas de programme particulier, qui n'ont rien pour leur donner le goût d'aller à l'école, que qui n'ont pas de spécialistes pour aider les élèves avec des cas problèmes, qui manque de spécialistes dans le fond. Fait que là, les classes n'avancent pas, les profs sont exténués, puis toute l'équipe. Fait que ça, ce que ça donne, dans le fond, ça donne des grosses inégalités, puis ça fait que, en fait, ça Les classes sociales, il n'y a plus de mobilité sociale qu'on va dire dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand que tu viens au monde dans un milieu défavorisé, c'est plus difficile de t'en sortir. C'est plus difficile d'améliorer ton sort, mettons. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça, là encore, d'aller fesser sur ces nouveaux demandeurs d'aide sociale-là. Eux autres ont tellement de rentrées dans la tête parce qu'on leur a... Puis ça continue à l'école aussi, là. Ils se sont tellement fait mettre dans la tête que, ils feront rien de leur vie, ils font du BS, puis c'est des bougons, puis c'est des ci, puis des ça. Ben, à un moment donné, quand t'as cette image-là toi-même, c'est dur de la briser après. Ouais. Fait que, tout ça pour dire, j'ai l'impression de finir sur une note sombre. Déprimante. C'est ça, à un moment donné, je veux dire, on va, puis le danger de ça, c'est qu'en fait, ça va pousser des gens à la rue, en fait. Mmh. Ça va créer beaucoup d'itinérance, parce qu'on le disait, c'est la manée, c'est le loyer que tu peux plus payer. Là. Mais qu'est-ce qui pourrait être bon qu'ils sortent de ça, une étude par rapport à justement qui est sur l'aide sociale? Ben, il y en existe à tonnes, ces études-là. C'est qu'il faudrait qu'il y ait du monde qui ont le pouvoir de faire de quoi, qui les lisent, mettons. Mmh. Pas les libéraux, c'est ça que tu faisais? Ouais. Subtil. Puis ça, c'est une affaire. Puis nous autres, on en a parlé à l'émission cette semaine. C'est pour ça que j'essaie de ne pas refaire la même chronique que ce qu'on a fait la moitié de l'émission lundi là-dessus. J'essaie de ne pas refaire la même chronique exactement. Mais nous autres, on en a parlé que ça a été signé par François Blais, notre super ministre de la Solidarité sociale, qui a été ministre de l'Éducation pendant pas très longtemps, mais qui en fait, c'est un doctorant en philo, puis qui a fait sa carrière académique à l'Université Laval sur le sujet de l'allocation universelle, le revenu minimum garanti, mm-hmm. dans le fond, qui disait, en fait, tous les arguments que je vous ai dit aujourd'hui, c'est toutes des affaires que lui a écrit dans ses livres. C'est ça le pire. Nous autres, on l'a décrété notre champion de la semaine à cause du contre-langage complètement, mais j'ai dit qu'ils les ont pas lus. Ils les ont lus, je veux dire, il a fait sa carrière universitaire là-dessus. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose de contradictoire. De très contradictoire là-dedans. C'est très décevant d'ailleurs. Fait que c'est ça. C'est à un moment donné, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Ben, tous les milieux communautaires militent activement contre toutes ces mesures-là. Pour leur donner un coup de main, si vous avez une couple de pièces de lousse, donnez-les aux communautaires, pour vrai, ceux qui ramassent le dégât qui va se créer par rapport à ça. Un dégât qui va durer au minimum 2 ans, parce qu'on sait qu'il va y avoir un compte rendu dans 2 ans, puis après ça pourrait prendre du temps avant de réagir encore après. Ouais, puis même là, comme je disais, moi, le compte rendu, je capote pas avec ça, parce que ce qu'ils vont nous dire, c'est ben on a économisé tant de millions avec ça, puis c'est tout. Ouais. Parce que le vrai but, c'est ça, en fait, c'est des coupeurs. On va voir si ça fait changer les opinions chez nos auditeurs par rapport au BS. Sinon, tu vas te faire traiter de gauchiste. Ça, je m'assume. C'est fatigant, c'est les gens qui traitent les autres de même, de ces noms-là. Ben, le titre de mon émission, c'est « La sortie de secours est à votre gauche ». On s'entend-tu que moi, je m'assume? Parlant de ça! On t'écoute à « La sortie de secours est à votre gauche » les lundis à 11h. Ça repasse les jeudis à 15h et les samedis à 16h. Et c'est même assez fou. Sébastien F. Gartin, merci. Ben, merci à vous. À la semaine prochaine, toujours les mercredis à 7h30 en début d'émission. Oui, monsieur. Il est pressé, il doit partir, mais mm-hmm. breaking news. Oh, oh. Le GE vient de recevoir ses nouveaux micro-ondes. Oh. C'est des NE1024C. Okay. Chez Costco, ça dit four à micro-ondes commercial de 1000 watts, 470$ par micro-ondes. Malade. Ça vient d'être, tu veux un autre j'ai vu aussi. Tu veux un autre breaking news? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 18 ans de la Chasse-Galerie. Vrai, absolument, j'ai vu les petites affiches, très jolies d'ailleurs. Il va y avoir un party pour ça, pour célébrer les 18 ans. Oui, apparemment des prix comme dans le temps. Comme dans le temps. C'est ce que ça 18 dit. Ouais. Ça devait être moins cher, mais pas tant que ça non plus. Je sais pas. Il y a 18 ans, une bière au bar, ça coûtait combien? On surveille ça, on vous en reparle jeudi, en fait, demain. Oui, dans la collecte de l'AGE UQTR. On parlera des micro-ondes aussi, je veux savoir les options qu'il y a dessus. J'ai vu que c'était un petit comme un timer. Mathieu va aller essayer les micro-ondes. Tu peux tourner comme le bouton, c'est pas des boutons... c'est pas genre, tu marques pas 2 minutes et demie, tu twists le bouton. On y va avec la crinque. Ouais, comme dans le temps. Comme il y a 18 ans. Ouais, c'est ça, c'est peut-être juste pour ça. C'est de retour à l'air. C'est à ça, on va avoir plein de micro-ondes dans Chasse-Galerie. Ah, ça va être malade. Ils vont stuffer plus qu'une session, ceux-là? Ben, c'est des industriels, peut-être. Ceux-là. Ils ont acheté plus cher parce que les industriels, ils vont moins se détruire facilement. C'est une bonne chose. Ouais, parce que 400$ pour des micro-ondes, ça a l'air imposant, mais c'est parce que c'est quasiment ce qu'on dépensait par année pareil parce qu'ils brisaient à tout bout de champ. 470 plus taxes, mais ouais. Bref, merci Sébastien pour tes ajouts à cette breaking news. On écoute, pour se quitter, grâce à Sébastien et son début de chronique, une pièce de Elbow, Grounds for Divorce. Pareil comme dans le char de Sébastien en son âge. Mais je n'ai pas écouté la même pièce. Tu te crosses fou à la place, ça. Ça. I've been working on a cocktail called Grounds for Divorce. Peut-être pas 30 secondes, finalement. Oh, ça parlait. As-tu entendu? Ouais. Ça parlait dans le fond de tout. Je pense que oui. Je pense que c'est fini. Ouais, Elbow. Avec Grounds for Divorce à Assemblage Requis. C'est l'ancienne intro de la chronique de Sébastien Gertin dans le temps. Au retour de la pause, Tania is gonna entertain you à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Déjà de retour à Assemblage Requis, ou comme dirait le tour, on est déjà assis de retour. Hey, je me souviens, là, à chaque fois qu'on devait faire une take en enregistrant cette publicité-là, j'avais de la difficulté parce que je me disais, je peux pas dire ça à la radio. Voyons donc, on m'a enseigné de ne pas être vulgaire à la radio. Exactement. Ouais, mais bon, c'est le mais nom. Mais déjà, en partant, je trouve que ça fait agressif, tu sais, l'hostito. Ouais, ouais, ouais, ouais. Tu sais, ça, c'est ça. En tout cas, ça a l'air d'être un bon show. Oui, ça va être le fun. C'est quand? C'est le 24 novembre, donc la semaine prochaine, ici même au 10-12 de l'UQTR. Dans le tout nouveau 10-12. Oui, le tout nouveau, qui est quand même assez beau. Oui, ça a vraiment changé, ça a avancé pas mal vite. Bref, assez parlé de choses sur le campus, c'est le moment de parler de n'importe quoi. En fait, je me rappelle un peu. De froid. Vas-y, Mathieu. Faut que je refasse mon jeu d'association. Concentre. OK, donc froid. Ouais. Tu disais, les habitudes changent l'hiver. Mm-hmm. Donc, c'est des choses d'habitudes d'hiver qui vont changer. C'est ça ton sujet aujourd'hui? C'est ça? Oui! Choses comme ça. Des choses comme ça. Mettons, on va te demander plus en détail dans Tania is gonna entertain ya. Ça fait quand même une demi-heure, 45 minutes de ça que tu m'as dit ça. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait que t'es allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya. Tania Baudin. Je me rappelle que t'as dit qu'il commençait à faire froid. C'est la chose c'est vrai, que j'ai retenue. Ben, il commence à faire froid. C'est discutable parce que depuis les derniers jours, il fait quand même comme 12 degrés. Puis on est comme à la mi-novembre présentement. Si on regarde ça, là, on est le 16 novembre. Ouais. Donc, on est pas mal dans le milieu du mois. Il fait encore comme 12 degrés. Est-ce qu'on va avoir un Noël comme l'année dernière, Mathieu? Un Noël pas indien. De neige. Ouais, c'est ça, un Noël indien, pas de neige. Ça serait triste. Moi, je veux de la neige pour Noël. Mais il fait quand même plus froid qu'en été, hein, ah oui. On peut se le dire. Et cet été, il y avait quand même quelques tendances, quelques modes, quelques habitudes qui étaient là, qu'on fait habituellement l'été du côté de la beauté. Messieurs, ne vous inquiétez pas, ne partez pas tout de suite, ne changez pas de station. Alimentation hier, beauté aujourd'hui, c'est vraiment rendu une chronique ultra féminine. Non, non, non, mais j'ai pensé à vous, messieurs. Ah, OK. Tu sais, je vais vous parler de soins qu'on change quand il va commencer à faire froid du côté des filles, mais aussi du côté des hommes. Mm-hmm. Et là, Mathieu, je sais que toi et moi, on en a discuté à plusieurs reprises à l'extérieur des ondes. C'est quelque chose qui nous titille un petit peu. Je vous parle aussi de la barbe d'hipster ce matin. Parce que, en fait, depuis quelques temps, on la voit un petit peu moins. Oui, il y en a encore, mais c'est moins présent. Il y en a encore. Sauf le mois de novembre, là, avec le Movember. Movember. Et, j'ai essayé, en tout cas, à date, je me suis pas encore rasé du mois de novembre pour le No Shave November. OK. Parce que c'est une nouvelle tendance là aussi. Ouais. Là, on laisse pousser la barbe en même temps que de laisser pousser la moustache pour le Movember. C'est une autre cause, ça s'appelle le No Shave November. Exact. Ouais. Mais on se demande en fait, est-ce que c'est toujours tendance rendu à ce temps-ci de l'année, la fameuse grosse barbe d'hipster? Barbe des séries. Barbe des séries, on peut dire ça comme ça. On sait que durant les saisons précédentes, durant l'été aussi, c'était encore beaucoup à la mode. La barbe de hipster, là, la grosse barbe, ça semble plus aussi incontournable que ce l'était. Alors, messieurs, est-ce que vous seriez en train de craquer pour une version plus courte de votre barbe? Est-ce que c'est ça qui deviendrait la nouvelle tendance pour vous? Eh bien, l'été 2016 va a été un temps où on pouvait encore voir de grosses barbes, mais on a vu une certaine évolution à un certain point. Et il suffit de regarder aussi les mannequins, leur visage rasé d'un petit peu plus près. T'sais, pendant un temps, on a vu ces fameux mannequins-là, ces hommes de la mode, avec des grosses barbes, justement. Et un man bun. Un man bun aussi. Mais là, on commence à se rendre compte que y a la coupe un petit peu. Juste la tailler, pas la couper. Non, la taille, la taille. Alors, en fait, on s'interroge à l'avenir de cette fameuse barbe-là. Véritablement, depuis plusieurs saisons, elle a séduit un grand nombre d'hommes et aussi de femmes, il faut le dire, parce que pour certains, et pour certaines, surtout, si vous aviez une barbe, vous gagniez des points automatiquement. On se rappelle de ça. Ça a été aussi la version XX large à un certain point. Oui, exactement. Avant l'été, puis pendant l'été aussi, là, où tu avais l'impression de... Comment peux-tu survivre à ça l'été? D'avoir un bûcheron comme chum, là. Mais c'est un effet, un phénomène, oui, voilà, de copier-coller qui peut quand même se lasser avec quelques temps. Donc, avec des avantages comme ça, à savoir si on a une grosse barbe ou si ça va attirer les filles, bien évidemment, on va être tenté plus souvent qu'autrement de prendre la tendance pour nous-mêmes. Tu sais, il y a bien des gars qui, avant que la barbe d'hipster devienne à la mode, se disaient « Arc, non, moi, une barbe... jamais, là, je suis pas capable. » Ou là, aujourd'hui, si tu dis la même chose à un gars, il y en a certains qui vont dire « Non, si je me rase, j'ai l'air d'un pet de 3 ans. » Ben, c'est ça, ouais, c'est... Ouais. Pas que les pets ont 3 ans, mais un jeune enfant de 3 ans. Tu sais, il y en a pour qui la mode va s'adapter et d'autres pour qui elle va tout simplement rester. Ça, c'est un incontournable, c'est comme à chaque fois. Par contre, présentement, ça nécessite un entretien qui est régulier. Donc, on parle d'une coupe de la barbe qui va se voir au cours des prochains mois. Vous allez voir, quand vous allez arriver à Noël, ça se peut que vos cousins se soient rasés. Tu sais, qu'il n'y ait plus l'air d'être dans le bois depuis 12 mois et demi. Ils vont tout simplement avoir abordé la nouvelle tendance qui est encore une barbe, mais un petit peu plus courte. Et on parle aussi que d'afficher une belle barbe, ça se limite pas nécessairement juste à la laisser pousser, hein. Ça, je pense que c'est un des faits que les filles, justement, on essayait de mettre de l'avant avec certains gars qui avaient une grosse barbe. C'est de vous dire, oui, c'est beau si tu la laisses pousser, mais tu peux aussi la couper pour qu'elle soit belle. Puis l'entretenir avec des, t'sais, des huiles. Exactement. Des trucs comme ça, parce que sinon, l'entretenir. C'est pas le poche pas mal. Non, exactement. Ouais. Tu sais, il y en a que ça frise. Puis c'est pas tout en cute. Il y en a que c'est rude aussi, tu sais. Ouais. Comme mettons, je parlais que je me suis pas rasé depuis le 31 octobre, genre. Oui. Je trouve ça vraiment laid, ma barbe. J'ai vraiment hâte de la couper, puis je pense que je vais peut-être pas me rendre. Mais toi, Mathieu, en fait, je te dirais que ta barbe est comme dans la coupe qui est à la mode présentement. Okay. Tu sais, c'est pas trop court, c'est pas trop long, c'est pas une barbe hipster comme on a déjà vu. On dirait des poils de sourcils plus que d'une part des poils de barbe, mais OK. Oui, bon. Oui, bon, hein. C'est ça. Quand même. Ouais. Mais une barbe, c'est comme des cheveux, messieurs. Comprenez-le, s'il vous plaît. Donc, ça a besoin de soins réguliers, c'est-à-dire un bon démêlage. Mm-hmm. Tu sais, si on retrouve de la nourriture dans votre barbe qui est quand même plus coupée que ce que vous l'aviez coupée dans les derniers mois, c'est quand même pas super. OK? Donc, vous devez la coiffer. On vous parle d'une brosse à poils durs. Ça va beaucoup mieux pour brosser votre barbe. Et c'est quelque chose que vous allez vouloir faire aussi avec le froid qui arrive. Parce que des nœuds avec de la glace, c'est pas le fun. OK? C'est comme des cheveux. Dites-vous ça. Puis vous, en plus, bien, vous allez faire de la condensation dans votre barbe parce que vous allez parler. Donc, tout ce qui se retrouve autour de votre bouche va automatiquement geler plus rapidement. Donc, petite brosse à poils durs. Et que ça a l'air plaisant. Ben oui, tout à fait. Donc, vous vous assurez davantage une brillance aussi en faisant ça et un rendu soigné. C'est la même chose pour le rituel du lavage. Oui, vous m'aviez bien compris. Il faut la laver, c'est... votre barbe, s'il vous plaît. Si ça sent les tous de pied, c'est non. Donc, vous devez assouplir les poils de votre barbe pour avoir un meilleur rendu, encore une fois. Vous pouvez utiliser un shampoing. Il y en a qui utilisent un shampoing pour laver leur barbe. Il n'y a pas de problème. Mais il faut parfois aussi ajouter un petit peu de revitalisant et une crème de jour dans votre barbe. Ça se fait, il y en a qui sont spécialisés là-dedans, mais vous allez voir que votre barbe va être beaucoup moins rude. Ouais. Donc, aux soins de votre blonde, si jamais vous aimez ça rude de même, peut-être qu'elle aime moins ça. T'sais, c'est discutez-en avec elle, mais c'est une routine qui peut être aussi contraignante pour ceux qui sont beaucoup plus pressés, mais ça vaut le temps et vous allez voir aussi, elle va beaucoup mieux s'entretenir tout au long du froid aussi, parce que ça va peut-être moins geler rapidement. Donc, vous allez voir que ça va ça va devenir comme ça dans les prochains mois. La barbe va être encore là, mais plus court, mieux entretenue. Mais est-ce que les barbiers sont toujours autant à la mode? Parce qu'on peut aussi aller chez le barbier. Mais oui, vous faites toujours aller vous faire entretenir tout ça chez le barbier. Les barbershops, il y en a un petit peu partout. Même ici à Trois-Rivières, je pense qu'il y en a deux, trois qui sont sortis dans la dernière année. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, vous ne savez pas trop comment justement prendre soin de ça, une barbe, bien rendez-vous là et demandez des explications tout simplement en vous la faisant trimer. Tout le monde gagne. Rien de mieux. Ben oui. Tout le monde gagne, tu dis, Mathieu? J'ai dit ça, moi. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. C'est OK, oui. Monsieur, messieurs, en fait, lorsque vient le temps de dire parlons soins de beauté, on le sait, vous, le rasage, OK, c'est beau, c'est correct. Vous lavez les dents aussi. Ça va, ouais. Parfum aussi. Mais là, si on commence à parler de crème puis tout ça, bien souvent, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sachez que lorsque les températures changent, là, on est dans le temps où, que justement, on a passé un été qui était quand même assez chaud. On va passer vers des temps qui vont être beaucoup plus froids. Il y a des gestes quand même assez indispensables à votre routine beauté pour que vous ayez une peau qui sera pas trop endommagée par ce fameux froid-là. Donc, le premier soin que vous devez absolument faire, messieurs, si vous voulez qu'une peau reste belle durant l'hiver, c'est de nettoyer votre visage, évidemment. Les filles, on va se nettoyer le visage parce que on porte du maquillage, là, pis c'est comme un incontournable, ça vient avec le fait que t'es une fille, je sais pas, là. Mais pourquoi est-ce que vous devez vous nettoyer le visage? Mais c'est parce que naturellement, la peau de votre visage va dégager à chaque jour de la sueur, du sébum, et en passant, la sueur chez vous, c'est pas méchant, là, mais vous avez des pores de peau qui sont beaucoup plus gras que ceux de la femme naturellement. Donc, vous allez sécréter plus de sébum et plus de sueur naturellement qu'une fille. Donc, de nettoyer votre visage va aussi enlever vos cellules mortes. C'est un petit peu dégueulasse, là, dit comme ça, mais on vous rassure, vous n'êtes pas le seul, parce que la peau, en fait, de tous les hommes produit à chaque jour cette fameuse mixture, cette fameuse équation-là de toutes ces choses-là, qui est préférable de se séparer rapidement. Parce que si vous le faites pas, vous aurez rapidement les pores encrassés, ce qui va justement faire en sorte que le froid va pogner peut-être un petit peu plus rapidement et que votre peau va être beaucoup plus craquante. Il y a des gens, il y a des hommes aussi qu'on voit durant l'hiver qui ont plus de difficultés avec le froid parce que la peau va craquer, ouais. Justement, que ce soit au niveau du visage ou les mains ou quoi que ce soit. Mais c'est bien de nettoyer son visage pour ce messieurs. Donc, vous allez comprendre mieux pourquoi se nettoyer le visage est un geste indispensable qui doit être présent à chaque matin et chaque soir. Si vous n'êtes pas du genre à vous laver le visage du jour au lendemain, allez-y simplement pour une fois par jour. Là, c'est un bon début. Mais pour la routine vers les temps plus froids, deux fois par jour, c'est très, très bon de le faire comme ça. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux par la suite dans votre propre visage. Par la suite, comme une fille, c'est aussi un incontournable lorsque vient le temps de faire la transition du chaud au froid, c'est d'utiliser un gommage ou encore un exfoliant de la peau. Donc, pour faire simple, un gommage pour homme ou encore un exfoliant pour homme, ça fait exactement le même travail que le nettoyant, mais de façon beaucoup plus intense. Donc, tout à l'heure, quand je disais que vous produisez plus de sueur, plus de sébum et que ça peut encrasser vos pores et venir faire en sorte que vous allez craquer beaucoup plus rapidement, eh bien, l'exfoliant, contrairement au nettoyage, va justement aller chercher tout ce qu'il y a en profondeur. Donc, oui, c'est important de faire un nettoyage parce que l'exfoliant ne va pas nécessairement arriver à faire tout ça si vous faites juste vous exfolier. Vous devez absolument vous nettoyer le visage avant de vous exfolier, messieurs. Mmh. C'est important parce que sinon, là, vous allez avoir la face raide. Ah, mon, t'as dit, croyez-moi. Donc, ça permet, en fait, de désincruster, justement, comme je le disais, vos pores de façon beaucoup plus profonde et aussi d'éliminer beaucoup plus de cellules mortes. Je le disais tout à l'heure, quand vous allez vous nettoyer le visage de façon rapido-presso un petit peu, ça va enlever quelques cellules mortes. Mais lorsque vient le temps aussi, du temps plus froid, bien, ça va s'emmagasiner dans les pores de façon beaucoup plus rapidement. Donc, vous voulez, justement, aller beaucoup plus profond avec votre exfoliant pour vous sortir tout ça des pores. En gros, après, en plus, en fait, ça prend un petit peu le relais pour que les produits nettoyants sont pas capables d'atteindre. Donc, quand je vous disais de vous nettoyer le visage, par exemple, vous allez vous nettoyer le visage avec, je sais pas moi, une mousse nettoyante, bien, votre mousse nettoyante va moins aller chercher ce qu'il y a dans le fond de vos pores, tandis qu'un exfoliant, vu que ça a des petites perles à l'intérieur, ouais. C'est ce qui va faire vive en sorte que perles-là, hein? Ça va faire comme une petite grue. Les aimes-tu, ces petites perles? On adore ça, oui. Ces petites perles-là. Ça fait... vous allez voir, en plus, messieurs, vous allez avoir une peau tellement douce après ça. Une petite peau de bébé, de fesses de bébé, voilà. Donc... non, t'as raison. Mais attention, tout à l'heure, j'ai dit que vous devez vous nettoyer le visage une fois le matin, une fois le soir. Ouais. Faites pas un exfoliant une fois le matin, une fois le soir. Okay. Non, vous allez vous... scraper le visage, tout simplement. Là, ça va être beaucoup trop dur. En fait, vous allez utiliser un exfoliant simplement une fois par semaine. C'est la même chose pour une fille, une fois par semaine. Une fille, une ex-folle? Une ex-folle. C'est une blague. Bon, mes paroles. J'osais pas dire ça comme ça, mais non, c'est vrai. Puis la troisième étape, la plus simple, messieurs, on parle de trois étapes assez rapides, assez simples aussi pour faire la transition entre le chaud et le froid, c'est d'hydrater votre visage. Il y en a beaucoup qui se disent que bon, l'été c'est correct, pas de crème solaire, pas de crème non plus. Mais quand il vient le temps de faire la transition du chaud au froid, c'est important d'hydrater votre visage. En fait, c'est le second geste indispensable qui doit absolument apparaître dans votre routine beauté, messieurs, parce qu'on a vu dans la partie précédente que ce qui sort de votre visage et ce qui doit être nettoyé va maintenant, en quelque sorte, agresser votre visage. Si vous ne mettez pas comme une espèce de pellicule protectrice qui va être faite par l'hydratation, bien, ça va tout simplement vous engendrer d'autres problèmes. Donc, votre hydratation du visage va venir, en fait, créer une espèce de petite pellicule protectrice face à la pollution, aussi face au stress, le vent. On le sait, dans les temps froids, le vent va être beaucoup plus présent. Hein? Donc, si vous n'hydratez pas votre peau, bien, la peau, après une exfoliation, va être beaucoup plus... je veux pas dire à risque, mais elle est beaucoup plus facile d'être malmenée, comme, ouais, par exemple par le froid. Vous allez beaucoup plus le ressentir. Et quand, tout à l'heure, quand je disais, vous allez craquer, là, mais si vous mettez pas d'hydratation après votre votre exfoliant ou encore votre nettoyage, ben là, là, vous allez vraiment craquer. Donc, si vous êtes du genre à pas nécessairement vouloir faire les trois étapes, faites-en deux très importantes, c'est-à-dire vous nettoyez le visage au moins une fois par jour et aussi vous hydratez le visage parce que c'est ça qui va venir créer votre espèce de pellicule protectrice sur votre visage. Donc, avec tout ça, c'est les principales agressions que va subir votre peau dans la transition du chaud au froid. Et c'est pour ça que vous devez hydrater avec une crème chaque jour et votre peau va par la suite beaucoup moins s'abîmer, elle va être beaucoup moins sèche, bref, elle va être beaucoup moins moche et vous allez probablement beaucoup plus l'apprécier vous aussi. Ouais. Des fois, il y a des gars qui vont tout simplement sourire puis ça va craquer un petit peu de partout. Ouais. Bien, sachez que ça, t'sais, c'est dans le temps là où vous devez absolument faire ces changements-là à votre routine, que ce soit du matin ou votre routine du soir, pour que justement, lorsque le gros froid va arriver, vous allez être habitué de le faire et vous allez avoir aussi une peau qui va être conservée de façon très jolie, oui, et très douce. Question vraiment stupide de ma part. Moi, je ne connais rien à ça. Mm-hmm. Je suis le gars typique qui connaît rien à ça, mais j'ai quand même une crème, mettons, exfoliante, hydratante, truc, oui, patente, là, une fois par jour. Bon. Est-ce que c'est normal que ça fasse que ma barbe soit aussi beaucoup plus douce? Dans, ben, le sens, oui, que c'est pas... Avant, je faisais juste pas me raser pendant une semaine et demie, mettons, puis ça me faisait super mal. Là, ça fait, j'ai dit, je crois, deux semaines, un petit peu plus que deux semaines, puis je la sens même pas sur ma face. Mais oui, parce qu'en fait, on parle justement de pellicule qui va venir pas sauver ton visage, mais qui va venir faire une couche protectrice. Oui. Mais on parle aussi d'hydratant, de nourrir ton visage. Donc, tout ça, ça rentre justement dans les pores de la barbe. Aha. Et ça va agir comme une espèce de nutritif à ta barbe. Donc, oui, ça va être une peau beaucoup plus nourrie, beaucoup plus souple, beaucoup plus belle et elle va mieux vieillir aussi. Ah, donc, ta, ouais, barbe aussi va pousser en faisant beaucoup moins mal parce que... Ça et fonctionne, oui, pour ça, c'est, exactement, sûr. Exactement. Est-ce que ça se peut que ce soit exfoliant et hydratant en même temps? Oui, c'est, ouais, possible. C'est ça, c'est ce que j'ai. C'est possible. Tu sais, on sait, parfois, les hommes, vous n'aimez pas nécessairement ça, faire une étape après l'autre, ouais, deux en un ou trois en un, ouais, vous adorez ça. C'est là, winner. Genre, vos savons de douche, là, trois en un, le shampoing, puis tout ça. C'est un petit peu la même chose, vous en avez, qui sont deux en un, nettoyant et exfoliant. Super. Donc, allez voir ça à la pharmacie. C'est cher. Demandez à une conseillère à la pharmacie, là, elles sont là pour ça et croyez-moi, elles vont pas rire de vous, au contraire. Non, c'est ça. Elles vont se dire, oh my God, il prend soin de lui. Exactement. Vous allez peut-être même plus pouvoir la crouser qu'avant. Hello. C'est un petit peu la même chose, mesdames, pour vous, vu la transition du chaud au froid. Il fait ma barbe. Oui, les femmes à barbe, exactement. Femmes à barbe? Les femmes à barbe. C'est la nouvelle pharmacie, les, ça. Les femmes à barbe, messieurs. Non, mais les femmes, c'est un petit peu différent, en fait, parce que nous, on est déjà sensiblement habitués aux routines beauté, ouais. À tout ce qui est soin de la peau. Par contre, on a vraiment des tendances à changer nos routines beauté lorsque les saisons changent, et c'est excellent comme ça. Je vous explique pourquoi, en fait. C'est parce que durant l'été, on veut pas nécessairement des couches protectrices sur notre visage qui vont être grasses, qui vont être très, très, très difficiles pour la peau. Donc, durant l'hiver, durant l'été, on va y aller avec quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, par exemple, un nettoyant qui va être sous forme de mousse, beaucoup plus que sous forme de crème, par exemple, parce que ça va être trop nutritif durant l'été. Ça va créer beaucoup plus de sébum durant l'été. Mais par contre, durant l'hiver, lorsque vient le froid, c'est ça qu'on veut. On veut justement changer notre formule qui est légère à l'été pour quelque chose qui est plus consistant. J'ai juste le mot thick dans la tête, qui est beaucoup plus dur, en fait, pour les temps froids, parce que vous voulez cette nutrition qui va être davantage là que celle qu'on a besoin durant l'été, parce que durant l'été, on a beaucoup de soleil, et ça vient créer justement une espèce de nutrition qui va s'ajouter à la peau. Mais là, durant l'hiver, durant les temps froids, si vous regardez dehors, on a un petit peu moins de soleil. Donc, vous voulez quelque chose qui va être plus nutritif. Et c'est là qu'on doit justement changer notre nettoyant pour quelque chose qui va être beaucoup plus en crème que, par exemple, en mousse. Par la suite, vous allez avoir, mesdames, si vous êtes une adepte de la routine beauté, vous pouvez ajouter à votre routine beauté, pour les temps qui sont plus froids, une brume de visage. Je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, lorsqu'on s'exfolie, lorsqu'on se nettoie et tout ça, vous aussi, vous faites avoir la peau où vous allez vous sentir comme si vous aviez eu 14 lifting après. Donc, avant de mettre justement votre crème pour le visage ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement prendre la brume et vous en asperger 2-3 jets au visage. Ouais. Et déjà, à la base, ça va créer une espèce de nutritif, mais aussi d'assouplissant pour votre visage avant de mettre votre crème qui c'est va être très, très nutritif. De face. C'est pareil. C'est comme faire une recette, tu comprends? Donc, si jamais vous êtes genre à avoir une peau qui est quand même assez sensible aussi, mais c'est quelque chose que vous voulez mettre à votre visage avant de vous mettre la crème qui va être un petit peu plus nutritive qu'en été. On le sait, on a des types de peau assez différentes. Il y en a qui vont avoir la peau sèche, il y en a qui vont avoir la peau un petit peu plus huileuse. Selon votre type de peau, vous pouvez très bien demander à une conseillère quel genre de crème, en partant, va être fait pour vous dans les temps plus froids. Crème-moi, crème-moi pas. Hein? Ben c'est parce qu'on veut pas nécessairement une crème quand même assez dure, quand même assez lisse, qui va ajouter du sébum à notre visage. C'est pas quelque chose que les gens qui ont une peau huileuse, par exemple, veulent faire, parce que ça va créer par la suite des boutons. Ouais. Donc, pour y aller du côté quand même assez nutritif, mais beaucoup moins nutritif que quelqu'un qui a une peau sèche, par exemple, ben, tout simplement, allez vous informer et, justement, avant d'appliquer votre crème, bien, ajoutez une espèce de deux petits sprays pour le visage et vous allez voir, déjà en partant, votre peau va être beaucoup plus malléable. Mmh. Vous allez être beaucoup moins craquable avant de vous mettre la crème pour le visage et ça, c'est quelque chose de très, très bon. Bien évidemment, on en a parlé chez l'homme, on va en parler aussi chez la femme. C'est l'exfoliant, c'est quelque chose qui revient pour la transition entre le temps chaud et le temps froid. On fait un petit peu la même chose durant l'été. On va s'exfolier le visage, on va s'exfolier le corps aussi. Mais durant les temps froids, c'est encore plus important parce que justement, le temps froid va faire en sorte que notre corps va avoir cette tendance à vouloir se réchauffer plus rapidement. Donc, la sueur va être peut-être différente à ce point-là et vous devez justement exfolier votre visage, mesdames, c'est quand même assez important. Mm-hmm. Vous pouvez aussi ajouter des huiles à votre routine beauté, mesdames, sachez-le. C'est quelque chose qui, des huiles essentielles, par exemple, des huiles qui vont être ajoutées à votre crème, à votre soin de la peau. Donc, comme ça, vous allez pouvoir justement avoir une espèce d'hydratation qui va être un petit peu plus que votre hydratation de l'été sans être trop pour les temps qui vont être froids. Juste dans la transition, par exemple, de l'automne, là, parfois entre l'été et l'hiver, avant que ça soit des extrêmes gros froids, bien, il y en a qui vont utiliser comme l'hydratation de la peau simplement l'huile, ce qui est une tendance qui qui se fait de plus en plus chez la femme. Mais encore une fois, vous pouvez demander des conseils à votre esthéticienne ou encore à la jeune fille à la pharmacie, parce que c'est pas pour tous les types de peau, bien évidemment, mais juste ajouter quelques gouttes à votre peau et aussi aux cheveux, parce que ça va venir faire une protection contre le froid, encore une fois, le vent, puis tout ça, on en a discuté tantôt, mais l'huile va avoir cet effet protecteur. Oui, voilà. Cet effet protecteur-là pour vos cheveux aussi, alors ce qui est quand même très, très bien. Et le plus important, mesdames, je pense à votre routine beauté. Messieurs aussi, vous pouvez l'ajouter si vous pensez que c'est pas dans votre routine beauté, là, que ça fait tout simplement partie du quotidien. C'est le fameux spray nasal. Ah, ben oui, ben oui. Entre l'été et l'hiver, c'est souvent là qu'on va avoir des gros maux de gorge, des problèmes de sinus. Alors, quelque chose qui est bon à ajouter à votre routine de tous les jours, en vous levant comme en allant vous coucher, c'est le fameux spray nasal pour justement faire un bon nettoyage de tout ce qui va pouvoir sortir de là. Je suis bien d'accord avec ça. On a parlé des détails aux gens, mais... Oui. Ouais. Et voilà, il y avait d'autres points pour les femmes, mais la plupart du temps, les filles vont savoir, comme par exemple l'auto-bronzant, il y a des filles qui vont dire « OK, non, mais c'est parce que j'ai pas besoin de mettre de l'auto-bronzant. » Non, c'est vrai. Par contre, il y en a qui contiennent cette fameuse vitamine D qu'on a naturellement durant l'été, qui vont être ajoutées à cette fameuse lotion-là. Et ça va venir aussi créer une hydratation pour votre corps qui va être, elle aussi, protectrice durant l'hiver. Donc, pensez à tout ça. Hein, au fond, ça vous revient juste à vous. Ben voilà, quel beau slogan à la fin. J'ai plus une partie féminine que je pensais, finalement. Ben, c'est correct, ouais. Mathieu. Toi, Barbrielle. Ouais, Barbrielle, parlant de barbe, on a parlé en début de chronique de grosse barbe. Elle a été les plus courtes qu'elle était. Est-ce que tu suis la tendance? De couper un petit peu tranquillement, pas vite ta barbe? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que tu en prends soin? À l'occasion. Oui? Oui, oui, oui. Tu oui, la oui. peignes? Aux 5000 km, oui. Oui, OK. Donc, tu l'hydrates? Oui, oui, aux 5000 km. Excellent. C'est cute, c'est super cute. Bien, certain. Bref, on prend une pause parlant de Barbrielle. Il va être là juste au retour pour la chronique dans les coulisses de la huître. Merci, Tania. Ça fait plaisir. À demain. À demain. Assemblage requis en ce mercredi 16 novembre 2016, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Celui qui chantait sur la chanson hey. Femme, c'est Gabriel Béhoud. Salut, vous allez bien? Très bien, toi? Oui. Tiens, je pense que tu connais plus la chanson thème de la chronique dans les coulisses de la huître. Oui. Hein? Ben, ça commence maintenant. Hey, salut Mathieu Plante. Salut, capitaine de l'équipe des Rouges. Oui, de la 8, oui. Qui est avec nous pour parler de plein de choses. En fait, on retourne loin derrière nous. Oui, Mathieu, parce qu'on a accumulé énormément de retard, par ma faute, sur les chroniques sur le terrain. Est-ce que tu as trouvé la raison de tout ça? Parlons de ciel et de choses vives. Parce qu'il avait fait des MP3 de ses chroniques, puis il voulait pas jouer. Là. Non. T'as fait des waves. Mais je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Ouais, mais c'était des waves. Tu vois, là, ça marche. Ben, tant mieux si ça fonctionne. Donc, on va retourner au match. Au 2 novembre, ouais. C'était le match de l'Halloween. Ouais, exact. C'était le match rouge contre vert. Donc, la petite chronique d'avant-match qui était faite sur le terrain par le seul journaliste qui couvre la lutte. C'est le seul et unique. Voilà. Voici Gabriel Béhoud et la chronique lundi soir, le matin. Allez, allez, allez! écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Je suis à l'entrée presque de la chasse-galerie. Je m'apprête à faire la chronique sur la l'huître, la ligue universitaire d'improvisation des rivières. Alors, ce match oppose l'équipe des rouges à l'équipe des verts. Alors, place au match et joyeuse Halloween. Face à face. Je suis avec Samuel, une recrue de l'équipe des Verts. Samuel est une recrue qui joue son premier match. Nervox? Peut-être. Je vais prendre le temps d'y penser. Mais on a toujours hâte quand même de. Vous parlez de. Je comprends. Mais. Qu'est-ce que dans votre jeu vous trouvez bon de? Je trouve bon de. Que je suis capable de trouver des idées, des personnages et de faire de l'improvisation. L'improvisation, c'est la clé à la luître, la Ligue universitaire d'improvisation de... Trois pistoles Rivière. Alors, bon match et amusez-vous, Monsieur Sam. Ça fait plaisir. Face à face. Je suis avec Marc-André Fortin, Karine Perron. Karine, tu joues ton deuxième match régulier à la place de MAF. Tu as de grands souliers à chaussée que tu remplis avec tes pieds. Comment? Ben en fait, là, c'est ça, les souliers de Marc-André, on l'était laissé dans le local. Et puis, on sait pas s'il existe vraiment ce gars-là, on l'a jamais vu faire un match régulier. Donc, c'est ça, j'ai chaussé ses souliers, puis ils me vont quand même assez bien, je trouve, ouais. C'est vrai que ça te fait de beaux pieds. Parlant de pieds... Certaines personnes trouvent les pieds beaux. Toi, qu'est-ce que tu... Eh bien, en fait, j'aimerais présenter à ces personnes mon pied gauche qui lui manque le gros orteil, qui a été sectionné à cause d'un accident de snowboard, et on verra ce qu'elles en disent après. Est-ce que c'est vrai? Non. Ah, pour terminer, Karine, jusqu'à présent, si tu avais à décrire ton jeu en peu de mots, comment le tu? Je dirais tarte aux pommes avec un petit peu de crème glacée. Merci Karine et bon match. Merci. Je suis avec l'étoile de l'arbitre, Carperon. Qu'est-ce que tu penses qui t'a valu ça? Je vais être très honnête avec toi. J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, là, je me redécouvre un peu en tant que joueuse d'impro. Là. J'essaie de retomber en amour avec la flamme intérieure en moi. Donc, je vais être honnête et j'en ai aucune idée. D'accord. Si tu avais une catégorie exceptionnelle à créer, quelle serait-elle? Je dirais une catégorie expression par le corps. Décription, s'il vous plaît. En fait, aucune parole n'est permise. Le seul moyen de communication, c'est le corps. Mimé? Non, avec la danse, puis... Heureusement, tu n'es pas arbitre. Merci, Karine, et bonne saison. Merci. Parce qu'il m'arrive, on dirait que le monde est en train de changer. Mais si une tête fait des idées, j'ai pas devenu celui que j'étais. Imaginez. Hey, moi, être avec toi, c'était une excellente chronique. Ah, merci Mathieu. En tout, on a été très traité. Oui, c'était incroyable. C'était ce match-là avait été remporté par les Rouges. Par un point. Donc, on va faire un autre retour dans le temps à la semaine dernière. Ouh, tu parles de la semaine du 9 octobre. Novembre, flashback. Oui, donc le match que posaient les Bleus Orange. Oh. Allez. Vous écoutez lundi soir le matin. La chronique sur l'impro universitaire. Je suis à l'extérieur de la chasse de la galerie pour le match qui oppose les oranges aux bleus de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Alors, bon match et place au face à face. Je suis avec un représentant de l'équipe des Oranges. Est-ce que c'est vrai qu'on te surnomme Joe Sakic de la réplique? Ben, on pourrait dire ça dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, je pense qu'il faudrait s'attarder plus aux détails que sur les faits. Parlant de détails, tu es un joueur qui joue à l'impro. Tout en finesse et dans les détails. Pourrais-tu me nommer ta plus grande qualité et ton vrai nom pour que les gens pensent que t'es le Joe Sakic de la réplique? Ben, mon vrai nom, pour commencer, c'est Maximilien Théberge. Puis ça, je pense que c'est déjà une bonne qualité. De là, le Joe Sakic, c'est ouais. Comme une contraction. Oui, ben c'est ça, c'est comme Maximilien, c'est un nom de renom, comme Joe Sakic. La seule différence, c'est que moi, j'ai pas eu d'accident de souffleuse qui m'a empêché de jouer un match. Ça, je pense, c'est ma plus grande qualité. Excellent. Ben parlant de qualité, je t'invite à livrer toutes tes qualités sur la scène. Ben merci beaucoup. Face à face. Une fois de plus... Je suis avec le capitaine des Bleus, Vincent Drainville. Drainville. Oui. Vincent, jusqu'à date, je pense que vous êtes invaincu. Comment décrirais-tu ça? Ben écoute, l'impro, je pense qu'avant tout, c'est d'avoir du plaisir sur scène. Et comme on est l'équipe qui a le plus de plaisir à chaque semaine, ben je pense que le score transparaît à travers. Certains vous accusent même d'avoir le monopole du plaisir. Quel est le secret? Ben, en plus du monopole de plaisir, j'ai aussi l'exclusivité sur les bonnes idées. Fait que ça aide beaucoup, surtout en improvisation, quand le vote dépend beaucoup des deux. Une chose est sûre, c'est que c'est payant. Écoute, moi, avant tout, je fais de l'improvisation pour l'argent. Depuis maintenant 32 ans, je gagne très bien ma vie avec ça. Je parlais d'impro, mais c'est bon de savoir que vous êtes le seul joueur payé. Ben écoute, je pense que c'est un peu comme ça dans toutes les équipes sportives de haut niveau. Il y a tout le temps un joueur qui est calissement payé par rapport aux autres. T'sais. Parce que vous autres, c'est ça. Le reste des joueurs ici sont... c'est ça. Pas payé. Ça va avec le talent. C'est donc pour ça la cruche? Oui, effectivement. Tous les revenus de la cruche vont systématiquement dans mon compte bancaire via un dépôt direct. Donc, je vous remercie d'ailleurs tous les spectateurs qui viennent me voir chaque semaine. Et Vincent, on se rappelle que tu te présentes en politique l'an prochain? Oui, en fait, j'étais censé cette année aux États-Unis, mais bon, ça a commencé un petit peu plus rapidement que prévu. J'ai pas eu le temps de m'inscrire, mais bientôt. Bonne chance et bon match. Merci beaucoup. Je suis avec l'homme qui met les bœufs devant la charrue parce que les bottines suivent les babines. Vincent, étoile de l'arbitre, comment tu deals avec cette pression-là lundi après lundi? Écoute, c'est tout le temps le fun de se faire crisser plein de pénalités par l'arbitre, puis qu'à la fin de la soirée, elle te donne quand même l'étoile. Ça, c'est tout le temps un petit baume sur le cœur de dire « J'aime quand tu fais le cave », mais c'est ça. Comme Eric Lindros de l'impro, si on t'échangeait, toi qui prends des pénalités et qui score fort comme Eric Lindros... de l'impro. Contre quoi on t'échangerait au Nordique de Québec? Probablement contre une équipe à part entière, parce que c'est beau, tu sais, s'ils m'ont juste moi, c'est pas pire, mais présentement, ils ont pas grand-chose d'autre. Fait que j'y comprendrais de sacrifier un bon joueur pour une équipe qui peut, tu sais, comme jouer des matchs. Ce qu'on admire chez toi, Vincent, c'est à quel point tu es humble et grand. Le mot de la fin, Vincent. Écoute, Pierre qui roule, ne masse pas frousse. Merci. À la semaine prochaine. Merci à toi. En renversant son chien, monsieur. Moi, s'il pouvait en faire plus des vidéos de chiens comme ça. Ah, c'était écœurant. Non, je vais le retrouver pour qu'on le fasse jouer. Mais avant, mentionnons que c'est la chronique du match du 7 novembre. Oui. On a dit 9 tantôt, c'est parce que c'est le jour de la chronique. Ça. Oui, donc c'était la chronique de la semaine dernière. Et pour la chronique de cette semaine, ouais. Mathieu. Ben, il n'y en a pas, puisque. Non. Plein de sessions pour moi obligeant et puis travail avant le match. Donc. C'était un match quand même. Ça aurait été un petit peu redondant de passer une autre chronique à ce sujet-là parce que c'était aussi les Verts contre les Rouges ce lundi. 45 000 minutes de chronique. Voilà, ben déjà que c'était long de même, mais on a eu du plaisir. Ben oui. Hein? C'est le fun. Ben oui, on a du fun. On a appris entre-temps que Barbie avait 50 ans. Oui. C'est une information pertinente. 50 ans aujourd'hui. Et Gabriel, qu'on appelle Barbriel, on pourrait aussi t'appeler Barbiel. Oui, donc on pourrait faire un album au grand complet sur ma vie. I'm a Barbriel voilà. And a Barbie World. Shaving's no good. I don't shave shit. Oh, I don't shave shit. C'est ce genre, là. Bref. Donc, tu l'as dit, lundi soir, match vert contre rouge, qui était animé, ou pas animé, mais arbitré. par Katiev Côté. Katiev Côté, c'est ce qu'on appelle dorénavant l'arbitre. Oui, oui. Moi, hey, moi j'ai dit, ben, tu sais, personne m'entend dans la salle. Non, j'allais le monde dans la salle t'entends, c'est ça. La scène qu'on entend. Ah, ok, ok, ça doit être ça. Ouais. Okay. Bref. Mais c'était le fun. Parlons-en un petit peu du match. Il y a eu plusieurs titres. Et là, mm-hmm. je l'ai dit pour qu'on, pour qu'on ait quelque chose à dire à un moment donné. Test ultime. Oui. La planche. Oui, donc on a le droit à des pirates. Et puis l'autre, c'était. Je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. T'as brassé doucement, c'est ça? Oui, ça, c'était un gars qui s'en va au cégep, qui reste encore chez ses parents. Sa mère fait faire son ménage. Son lavage, en fait, à la main. Et on a appris pendant cette épreuve-là que les cégepiens ne font pas leur lavage eux-mêmes. Pas du tout. Et là, ça nous a permis de parler subtilement du match contre les SCAB, qui va être annulé. On en parlera tantôt. Oui. On en parlera tantôt. Ils sont occupés, ils ont du lavage à faire. C'est ça. Il y avait Arraché la Lune. Oui. Il n'y avait pas Mon Enfant. Ouais, non, c'est ça. Ça, on a le droit, en fait. Ben, je sais que du côté des rouges, les verts, malheureusement, je m'en rappelle plus parce que je pense qu'on a joué en deuxième, donc on. Mais on a le droit du côté des rouges à. En fait, un match de hockey avec un grand tata. Imaginez un match de Pee-Wee et puis un gars de 6 pieds 5 versus toutes les Pee-Wee. Fait que ça a donné quelque chose de rigolo. Toujours. Il y avait Tombé à l'eau, il y avait Que Dieu vous garde, Compatibilité, ouais. Montagne de feu. Oui. Ouais. L'impro littéraire. Oui. Sur lequel on a reçu un non-respect de la carte thème pour les deux équipes. Oui, donc c'était en mixte. Le droit à une impro littéraire. C'était une impro là, de spécial. De spécial. Oui. Absolument. Lu par Marc-André Marion Flamand oui, cette semaine. Oui, puisque notre ami Jeff n'était pas là. Après ça, on avait Curieux de nature. Ouais. Le mot juste. Oui. Où on a eu un retard de jeu pour l'équipe des Rouges. Oui. C'est ton équipe, ça. Ouais, ouais, ouais. Propriété privée. Elle est ici et Suprême Délice. Et voilà. Là, Suprême Délice qui était la dernière improvisation, la 15e. Fourchette décisionnelle. C'était une fourchette décisionnelle. Qu'est-ce que c'est d'une fourchette décisionnelle? C'est une nouvelle catégorie que Katiev a amenée qui est particulièrement cool. C'est. Vous imaginez, là, une flowchart? Une. Oui. Une charte décisionnelle, en fait. Donc, est-ce que ça coule? Oui ou non? Donc là, si vous dites non, ça vous renseigne. Ben, ne touchez à rien. Oui, réparez ceci avec du tape. Voilà. Donc, sauf que là, la place, principe. C'est qu'on demande des idées aux joueurs qui sont accroupis sur la scène. Voilà. Donc, toute l'équipe est sur la scène, mais un seul joueur joue. Oui. C'est le héros de la chose. Exact. Ouais. Et puis, l'arbitre peut siffler à sa guise pour demander aux trois autres joueurs, eux, qu'est-ce qu'il ferait à partir de là? Là, faut être vraiment vite sur ses patins pour trouver quelque chose qui a rapport avec l'histoire. Oui, c'est vraiment oui. un talent qui mérite à être d'être souligné. Voilà. Mais oui, c'est ça. Donc là, ensuite, l'arbitre choisit son préféré des trois, et puis la personne doit aller faire son option dans la charte décisionnelle. Puis ensuite, on retourne à une autre charte décisionnelle par rapport à ce que la deuxième personne vient de faire, et ainsi de suite. Ce qu'on comprend, c'est que la personne dont le choix a été choisi par l'arbitre, c'est doit jouer, lui doit qui jouer. Doit aller jouer. Exactement. Marc Lachance l'a pas nécessairement compris en allant jouer une deuxième fois, en pensant que c'était lui qui continuait l'histoire. Ah, mais... C'était ça qui a donné une très, très drôle d'histoire, et je crois, même oui, ça a donné le point à l'équipe des Verts pour cette improvisation-là. Ouais, ouais. C'était l'histoire de loi, celle-là. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Une Marc Lachance lui jouait une petite toi. Oui. Bref, le match de lundi soir, les étoiles, Célan de Diecote. Oui, pour les verts. Et pour les rouges, Magali Brousseau-Arcan. Donc, des étoiles toutes féminines. Absolument, sauf pour l'étoile de l'arbitre. On brise le plafond de verre. Absolument, oui. C'est drôle qu'il n'y ait pas eu de mention de Leo Clinton dans les deux chroniques qui dataient d'avant. Non, oui, exact. Ouais. L'étoile de l'arbitre, c'était Francis Grulampon. Oui. Celui qui crie derrière toutes les chroniques. Exactement, celui que vous entendez dans le fond. Ah! C'est lui. Ouais. On a aussi eu dans les chroniques enregistrées tantôt des voix de filles. Ça, on pense que c'était des passagères des dans les corridors. Des chicks. Des chicks. Mais c'était le fun de savoir leur vie personnelle. Ben oui, tout à fait. Oui. Alors qu'elles ne savaient pas qu'elles étaient. Ouais, c'est ça. Comment, Gabriel? Ben, là, je les imitais. Ah, tu les imitais, juste, ça faisait n'importe quoi, des filles. Hein. Du babillage. Du babylonnage. Babylone. Honnêtement. Oui. Babylone, c'est quoi, c'est une série de science-fiction, ça t'aimait bien ça? Babylone. Babylone. Voilà. Chanté par les Babyloniens. Ça doit être ça. Sûrement. Ben oui. Les Baby Spice. Les Baby Spice. on a parlé de Barbie tantôt, là. Ouais. Hein, on est très. Et tantôt dans la chronique de Tania, c'était des conseils de beauté. Fait que, tu sais, c'est la journée où. C'est correct. On aime ça le même. C'est la journée. C'est la journée. C'est un fait. C'est wow. Ça. La nuit arrivera. Et un jour, pour aller se coucher, le mois de novembre qui continue de plus belle avec un autre match concernant les Rouges qui va avoir lieu le 21. Ton équipe, donc les Rouges contre les Oranges. C'est la semaine prochaine. C'est le lundi 21 novembre, absolument. La semaine prochaine, donc. Oui, oui, le prochain match. Yes. Ben oui, mais là. Donc on joue la semaine prochaine. comment est-ce que je vais annoncer ça sinon? Oui, lundi prochain. Là. Donc lundi prochain, n'oubliez pas, c'est à 20h. À la chasse-galerie et c'est gratuit. Gratuit. On l'a dit tantôt, le match de jeudi qui va avoir lieu contre les Scabs, c'est l'équipe du Cégep. C'est annulé, ça s'est annulé hier soir à 22h20. Oui, à cause de la loi anti-Scab. C'est ça. Donc, c'est les mots de syndicat, tout ça qui sont mis voilà. Là-dedans, puis grief, puis. Grief par-dessus grief. Ouais. Mm. Honnêtement. Voilà. Ouais. Donc, pas de match jeudi, mais c'est pas grave, on va remettre ça. Il y a un match spécial le 8 décembre, ça va être le dernier de la saison. Mm-hmm. On sait pas encore ce qu'il va être, ce match-là, mais il va commencer à 21h. Ça va être très spécial si on se fie. Ben, sûrement, si on se fie au fait que c'est marqué match spécial. C'est ça. T'sais. Donc, 21 novembre à 20h. Qu'est-ce qu'on avait à se dire? On avait une affaire, il me semble, à dire. Ah ouais? Je me rappelle pas quoi. Mais non. Ah oui. Ah non, je sais. Quoi? Vas-y. Non, non, j'ai un extrait musical. T'as pas trouvé la chanson? Oui, mais j'ai trouvé la chanson. Mathieu va nous mettre la chanson, mesdames et messieurs. Préparez-vous à entendre un chef-d'œuvre. Elle est plus courte que je pensais. Une minute 40. 30 secondes. Ça, c'est la chanson du retour de la lutte. Il est tellement beau. Aïe, aïe. Oui, c'est ça, la toune de retour, de pause de la lutte. Oui, oui, oui. C'est ça. J'ai une demande spéciale peut-être pour... j'imagine qu'on va avoir une pause publicitaire. Oui, oui, c'est ça. Si tu peux mettre la chanson... tu sais, le sexy sax guy, là. Sexy... Je sais pas c'est quoi le nom de la tune. Je sais pas si ça vous dit. Je me souviens ça. Mais t'as pas ça sur YouTube, ouais, le sexy guy. C'est le gars de America's Got Talent? Montre-nous donc ça. Non, non, non, attends, fais-moi la... Avec le chien. L'une avec le chien est assez incroyable. Chien? Le chien qu'on vient d'entendre. Le petit genre de chichou blanc ou pas trop. Aïe, aïe, attends. Le pomeranien ou quelque chose. C'est pas plus grave. Moi, je veux juste entendre le petit chien encore Mathieu. Une fois. Oui. Ah, Mathieu qui se concentre. Oh, ben, mais apparemment, il y en a fait plein. OK, t'as raison. OK. Il y en a vraiment fait plein, là. T'as genre... T'as celle-là, OK. Il y en a des tonnes. Aux frontières du réel. Mais c'est malade, j'avais jamais vu ça qu'il y en avait d'autres. Oh, il y en a une compilation assez incroyable. Mais je cherche celle que tu veux, là. Oh, j'ai Indiana Bork. C'est comme ça que ces chansons-là sont accompagnées de clips vidéo ben incroyables. Oui, ah, c'est génial. Hey, merci de nous avoir fait découvrir cette chaîne. Ça fait plaisir et puis je vous souhaite une très belle journée. On se voit la semaine prochaine. C'est la chaîne de Arf. À la semaine prochaine, Gabriel. Bonjour. Visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Bonjour toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 16 novembre 2016. Tania Baudin est là. Et Mathieu Plante aussi. Ok, oui. Et maintenant, c'est le moment de s'acheter des choses sur Internet pour le temps qu'il nous reste. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. existe, mais là, ça ne devrait pas. La chronique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Commençons par les petits autocollants d'empreintes qui vont faciliter la tâche de débarrer votre téléphone lorsque vous portez des gants. Non! Hein? Donc, les gants pour les écrans tactiles, ça existe depuis longtemps. Tu sais, ouais. C'est les gants que tu achètes qui ont soit des petites billes au bout de tes doigts ou bien vraiment le tissu au complet est rempli d'une fibre qui transmet ce que ça transmet avec tes doigts. Je ne sais pas comment ça fonctionne scientifiquement. Mais maintenant que les téléphones ont des lecteurs d'empreintes digitales, ça devient un petit peu plus difficile. Il faut entrer son code manuellement ou sinon, vous allez devoir enlever vos gants. Hein? Une nouvelle campagne Kickstarter voudrait réparer ça, comme Gizmodo nous dit. Ça s'appelle les Nanotips, des autocollants d'empreintes qui vous permettent d'utiliser votre lecteur d'empreintes digitales, même peu importe, dans le fond, si vous portez des gants. C'est fait de matériaux conductifs adhésifs qui permet à votre écran tactile de reconnaître la chaleur de vos doigts à travers un gant, que ce soit du cuir épais ou un coton mou. Tu sais, je me disais, c'est quoi, le criminel va pouvoir utiliser l'empreinte de quelqu'un d'autre? Ouais, c'est non, ça. C'est pas ça, c'est que c'est quand même ton corps qui va... C'est quand même ton c'est ton corps qui va choisir! C'est ça. Mais c'est pas toi qui dois le faire. Par contre, le kit TAPS est fait avec l'empreinte... Attends un petit peu. Tu peux programmer ton téléphone pour les reconnaître, voilà. De savoir si ça va fonctionner, mais c'est un Kickstarter, donc les gens doivent donner de l'argent et j'espère bien que ça va être livré au mois de décembre, comme ça le dit dans l'article. Un bon cadeau pour les gens qui ont une motocyclette, un vélo, peu importe, et qui portent des gants en général, sinon ceux qui ont les mains froides. Ensuite, c'est un bâton pour blanchir vos dents, ça s'appelle le Natural Teeth Whitening Stick. Pour avoir un soleil, des dents plus blanches. Ça dit, hein? J'ai aucune idée de ce que je raconte c'est ce matin. Ça a l'air bizarre. On dirait une branche de bois avec des poils au bout. On dirait un faux balai dans Harry Potter. Un petit balai, exactement. Donc, sans insérer de produits chimiques dans votre corps en utilisant ces bâtonnets de blanchissage de dents. Ça dit que tu vas simplement couper un demi-pouce de cette affaire-là et ça va former des petites soies avec lesquels tu vas pouvoir nettoyer tes dents sans avoir besoin de brosse à dents ou d'eau. On parlait l'autre jour de ne pas utiliser l'eau du robinet de la salle de bain parce que c'était dégueulasse, les coliformes fécaux. Donc peut-être que tu pourrais utiliser ça pour laver tes dents. Ça vient de Miswak Club. C'est sur Amazon.com. Natural Teeth Whitening Kit. Brosse à dents naturelle pour blanchir les dents, avoir une meilleure haleine et tout et tout. Ça vient en emballage de... Qu'est-ce que ça dit? Ça n'a pas l'air de le dire. Il a l'air d'en avoir deux dans l'emballage. Ouais, c'est ça, deux dans l'emballage. Pourquoi ne pas l'essayer? Voilà. Ensuite, un écran à haute résolution qui est en pop-up, un peu comme quand tu achètes un deuxième écran, que tu branches ça à côté de ton autre écran pour avoir deux fois plus de superficie d'écran. Ici, c'est un genre d'écran qui... c'est un design... excuse-moi, ça vient de... Oui, OK. Ah, allô, OK. Oui? C'est la page qui a popé dans ma face, ça a l'air bizarre. Donc, c'est un écran spontané qu'on appelle. On va regarder la petite vidéo pour voir ce qu'il en est. Un petit peu. Et voilà. C'est donc bien mêlant mes pages aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça peut aller jusqu'à 24 pouces en quelques secondes. Donc ça part d'un écran très très compact et ça devient un grand écran, comme quasiment soufflable si on veut. Et puis c'est comme ça fonctionne avec un projecteur en fait. Donc on le voit dans la petite vidéo en train d'être utilisé. Si vous voulez aller voir ça sur assemblagerequis.com. C'est comme dans un sac avec un projecteur. Le projecteur vient exposer un écran sur le genre de coussin de tissu. C'est si on très veut. Cool. Donc tu branches ton écran, tu branches ça dans un petit gadget et le gadget est dans une genre de chambre noire, si on veut, de toile. Et ça peut prendre la grandeur, la dimension que tu veux. Jusqu'à maintenant, 465 000 $ environ ont été donnés sur 33 000. Il reste encore 30 jours, donc c'est un énorme succès. Ça s'appelle le SPOD, le Spontaneous Pop-Up Display. Ensuite, c'est un grand paquet de cartes pour ceux qui aiment jouer à des jeux en gang, mais je sais pas, peut-être que vous avez des personnes âgées qui ont de la misère à voir les cartes. Donc, c'est des grosses cartes de 11 par 8 pouces qui ressemblent à des cartes normales, mais en beaucoup plus grandes. Bien sûr, on pourrait se construire un grand château de cartes, sinon se pratiquer à brasser des cartes ou pratiquer des tours de magie. Hein? Donc, Mega Jumbo Playing Cards, un ensemble de cartes en énorme. Ensuite, dans le garde-robe... si vous avez des vêtements suspendus à des cintres, vous avez de la difficulté peut-être à trouver vos vêtements parce que tous les vêtements sont très très pognés ensemble. Tous les supports finissent par tellement de vêtements que c'est comme tout compressé. Donc c'est des séparateurs de cintres. Simple comme ça, c'est fait pour aller sur n'importe quel poteau, barreau de garde-robe Et c'est fait pour laisser plus de place entre chacun de tes vêtements pour que, en plus, non seulement que ce soit plus facile de trouver tes vêtements, mais en plus, ça va moins les faire friper. Voilà. Ah. 25$ pour l'emballage. Évidemment, ça ne dit jamais le nombre. Emballage de 10, voilà. Disponible en plusieurs couleurs, argenté, rose et gris. T'as même un paquet de 48, mais seulement en rose. Il coûte 100$. Et non. C'est des genres de bouts de plastique. Ça ressemble un petit peu à des trucs que tu utilises pour faire tenir un rideau de douche. Environ. Ensuite, c'est une bibliothèque intelligente, nous dit-on. C'est le WeWood X2 Smart Shelf. Le seul meuble donc qui est transformable, hein? Presque. Donc, c'est le rêve des de ceux qui apprécient la personnalisation des choses. Donc, c'est deux gros blocs de 48 lamelles de bois tenus ensemble par des vis. Des vis qui permettent au module de drastiquement changer sa grandeur, variant de 60 à 88 pouces de hauteur et de largeur. Si on repositionne les blocs et qu'on change les modules pour on va pouvoir accommoder différentes sortes de livres, différents produits sur ta bibliothèque. Donc ici on les voit placés avec une 4 cubes qui sont placés à l'horizontale et les autres 4 cubes sont placés comme en diagonale, comme inclinés un petit peu, et ça fait des compartiments de différentes grandeurs. Quand même assez intéressant. Et c'est tenu par des vis, donc ça va être très solide, mais vous pouvez les placer comme vous le voulez. Dans différents sens, voilà. Ensuite, convertissez votre vélo à un vélo électrique en 30 secondes ou moins avec la roue Electron. Peut-être as-tu, dans ta vie, regardé les prix des vélos électriques? On parle de plusieurs milliers de dollars. Ouais, exactement. Ouais. Ça coûte très, très, très, très, très cher. Mais bon, maintenant, vous avez une meilleure façon avec Electron Wheel qui va sur la roue d'en avant. Ça s'installe en moins de 30 secondes, comme je l'ai dit, avec une propulsion de 250 watts contenue dans la roue. Et ça peut faire fonctionner votre vélo à jusqu'à 20 000 à l'heure avec une distance de 30 000. Après avoir connecté ça à votre téléphone cellulaire, vous pouvez lui demander de s'activer lorsque le sensor de la pédale détecte que vous mettez plus d'effort, par exemple pour monter une montagne. Et graduellement, ça va vous assister pour grimper plus facilement, mais seulement quand vous en avez besoin. Il y a une option de recharge rapide qui vous permet de faire 30 000 de distance en aussi peu que 2 heures. Évidemment, 30 000 en kilomètres, ça donne une cinquantaine, 48, très exactement. Ça coûte 800$, moins cher qu'un vélo électrique, mais quand même super cher. Et le chargeur additionnel pour faire la recharge rapide coûte 85$ de plus, donc on s'approche des 900$. On s'approche du prix d'un vélo électrique bientôt. Mais bon. Ensuite, c'est un t-shirt avec un tableau dessus. Pour prendre des notes, tu sais, des fois, tu te dis, je devrais me l'écrire dans le front, là, pour pouvoir te l'écrire sur le chest. Je peux te l'écrire là. Donc, c'est un canevas, un tableau, un rectangle sur lequel on peut dessiner. Hein? Et puis, on peut dessiner à peu près n'importe quoi dessus. On peut le passer au lavage, un cycle complet. Et ce n'est pas nécessaire pour retirer la craie parce que c'est un tableau, donc il y a seulement une éponge et de l'eau pour pouvoir enlever l'écriture aussi. Ça coûte 35$, c'est chez Chalky, C-H-A-L-L, deux fois le L, K-Y.com, si ça vous intéresse. C'est dommage que ce soit seulement un rectangle dans le milieu du t-shirt et non pas le t-shirt complet. Ça aurait été une bonne chose d'avoir le t-shirt complet. Et c'est dommage aussi que ben, tu l'as en noir et en blanc, le t-shirt, mais que le tableau est noir sur le t-shirt blanc. Noir sur le t-shirt noir et noir sur le t-shirt blanc. Il n'y a pas de tableau blanc. Ah, c'est triste. Ensuite, c'est un lit pour les chats en cube Rubik. Donnez à votre chat une place pour se cacher, mais une place un petit peu plus fancy, un petit peu plus geek. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus geek qu'un cube Rubik? Avec des chats dedans. Avec des chats dedans encore plus. Imaginez la fureur que ça va avoir chez vos amis sur Facebook. Donc, le dessus se tourne, seulement le dessus. Pas le milieu, pas le bas. Mais le dessus se tourne comme un cube Rubik dans tous les, en 360 degrés. Pour matcher les couleurs. Je sais pas si tu peux gagner à ce jeu-là, parce que si le milieu ne change pas, tu pourras jamais gagner. Ah. Et mon obsessivité compulsive n'aimera pas ça. Mais bon. Donc, le haut cache aussi un tiroir dans lequel on peut mettre des choses pour votre chat, et le centre contient une petite cachette pour que votre chat puisse dormir dedans, 1500$. Je suis sur Etsy en ce moment parce que ce produit fait à la main, ça coûte en dollars canadiens 2000$. J'essaie de voir, rotation de la partie supérieure avec tiroir de travail. Donnez à votre chat la cachette la plus chic sur le marché, carré en bois exotique en plaquage de cuivre patiné. Donc en effet, je ne me trompais pas, c'est seulement le dessus du lit qui peut bouger. C'est dommage. 2000$. C'est cher. C'est le prix d'un vélo électrique. Ouais. Ensuite, tu connais les microfibres, les petits torchons de guenilles qu'on peut utiliser maintes fois. Oui. Tu connais aussi les serviettes de papier, les napkins ou les serviettes de table, peu importe, les essuie-tout même. Mais maintenant, on les combine ensemble pour avoir des serviettes de papier réutilisable. OK. Nettoyez vos dégâts d'une façon un petit peu plus écologique en passant à ces serviettes réutilisables de papier. Chaque rouleau est fait de 12 guenilles de coton, du terry cloth qu'on appelle, réutilisable, décoré de façon festive. Un petit peu, je dirais, celui-là a l'air quasiment Noël vu que c'est vert, là, mais en tant que tel, les dessins qu'il y a dessus, c'est des accessoires de cuisine. Mais donc, ce que c'est un rouleau de débarbouillettes de coton. Tu comprends? Okay. Donc, c'est pas. Dans le fond, c'est comme un rouleau de papier surtout, mais sans l'aspect papier. Bref, c'est ce que j'en comprends. Et ça ne laissera jamais de marque. Encore une fois, c'est sur Etsy. Ça s'appelle le On Paper. Hein? Donc, il n'y a pas de papier. C'est ça. Pas mal ça. Il n'y a rien à dire de plus. Ouais, non, c'est ça. J'essaie de trouver des détails, mais non, il n'y en a pas. Ensuite, si vous voulez faire des trous dans un meuble, peut-être pour passer des fils, n'importe quoi, dans un mur peut-être même, mais que vous voulez pas un trou rond, vous voulez un trou carré. Oui. Il vous faut la quad saw qui coupe des trous carrés. Simple comme ça, en aussi peu que 30 secondes, ça se connecte avec une drill. Et puis ça fait aller 4 lames indépendamment, simultanément. On ne sait pas exactement la grandeur du trou, mais quand même, ça a l'air d'être un trou. Si on regarde comparé avec la drill puis les mains du gars, ça a l'air d'être un bon trou considérable. Peut-être la grosseur d'un appareil photo, quelque chose du genre. Les lames peuvent être repositionnées pour couper le carré parfait ou un rectangle. C'est pas peu cher, ça coûte 250$ américains, mais si vous êtes électricien, travailleur de la construction ou que vous êtes quelqu'un qui aime faire les choses lui-même, elle-même, ça pourrait être un bon investissement. La quad saw. Ensuite, c'est les Rolly Blocks, un système modulaire qui permet à n'importe qui de faire de la musique. Si vous avez déjà voulu créer de la musique, mais que vous n'avez pas nécessairement l'aptitude ou la capacité à jouer un instrument de musique avec un instrument de musique, le système Blocks de la compagnie Rolly a l'air d'une façon facile de faire de vos rêves une réalité sans avoir besoin d'un énorme budget. Donc, les Rolly Blocks, c'est un système de création musicale qui se connecte ensemble via des connecteurs magnétiques permettant à n'importe qui de se fabriquer un instrument lui-même ou elle-même. Donc, Rolly a récemment lancé un ensemble de 3 blocs avec le Lightpad Block. Ça, c'est une surface brillante qui est illuminée et tactile qui permet aux musiciens de faire de la musique via des gestes, tu appuies, tu glisses, des trucs comme ça. T'as le Live Block et le Loop Block qui ont des contrôles pour pouvoir produire de la musique en temps réel. J'imagine pour faire des loops comme, mettons, tu vas prendre sur ton premier bloc, tu vas faire des mouvements, tasse-tasse, touche-touche, et après ça, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton Loop pour looper ce que tu viens de faire, et après ça, pouvoir faire un autre set par-dessus. Blocks fonctionne avec Noise, qui est une application musicale gratuite pour l'iPhone et l'iPad, disponible sur le App Store. Noise se connecte aux Blocks sans fil via Bluetooth et ça devient donc c'est ça, un instrument de musique à part entière. Le Lightpad Block qui se vend pour 180$, les Live Block et Loop Block coûtent 80$ et le Lightpad Live et Loop Block sont exclusivement disponibles sur Rolly.com, R-O-L-I.com, sur Apple.com et dans les Apple Stores, les boutiques physiques de Apple. Ensuite, des shooters d'espresso. Ah. Des espresso, c'est le fun. Une fois de temps en temps, je remplace mon café du matin par un longo ou un americano ou un espresso allongé, hein, comme on dit. Oui. Mais maintenant, des shooters d'espresso. Hein? C'est fait de vrais espresso. Chacun de ces shooters vient dans une bouteille de vitre bleue pratique avec 130 mg de caféine pour vous donner de l'énergie pendant plusieurs heures. Ça commence avec des grains de café organiques grillés au soleil. En fait, cette batch c'est fait à la main, ce n'est pas fait en usine. Et c'est y a un petit peu de cacao péruvien intégré à l'espresso pour avoir un petit kick de chocolat. Et c'est doucement sucré avec du sucre de canne ou encore du stevia. Ça s'appelle Steam, ça a l'air délicieux. Ça a l'air très bon. steamm.com, 20$ pour un emballage de 6, évidemment 20$ américain. Steam, ça me tente énormément. Ensuite, ce sont des crayons à épices. À la place d'écrire des lettres d'amour, des poèmes, vous allez pouvoir écrire avec vos épices dans vos pâtes ou peu importe. C'est fait pour pas prendre beaucoup d'espace, c'est parfait pour les petites cuisines. C'est un joli petit design, en fait, ça ressemble à des crayons qui ont été aplatis un peu, on dirait des marqueurs. Ouais, plus. Hein? Des marqueurs ou des lighters. OK. On dirait des briquets. Et c'est ça, dans le fond, c'est que quand tu appuies sur l'embout, le bout du crayon, si on veut, ça appuie sur un levier. Qui fait sortir l'épice par les petites fentes qu'il y a sur le côté. Hein? On peut voir aussi les épices dans le bouchon du crayon. L'épice est écrite aussi sur le côté de ce dit crayon. Donc voilà, Spice Pens, c'est sur assemblagerequis.com que vous allez retrouver ça. Sinon, Continuons avec des fausses batteries, en fait, qui vous permettent d'ajuster le voltage pour compenser pour différentes technologies de batteries. C'est des batteries 0 volt. Je savais pas que ça existait du tout. Moi non plus. C'est un cylindre de métal qui prend la forme d'une batterie d'une pile 2A ou 3A. On substitue une ou plus de ces vrais, de nos vraies batteries avec une de ces batteries-là. Et ça fait, dans le fond, ça crée un chemin pour l'électricité pour qu'elle puisse passer. C'est utile que lorsque l'appareil a besoin de plusieurs batteries, mais que tu veux utiliser différentes... en fait, je pense que ça veut dire que tu pourrais réduire le nombre de batteries. À la place d'en avoir 4 dans un appareil, tu pourrais en avoir 3. Ça durerait moins longtemps et la quatrième batterie servirait pour faire passer le courant dans le quatrième... je sais pas comment tu pourrais appeler ça. La quatrième slot. Ouais. Bref. Et ça dit... Attends un petit peu. Je veux juste être sûr de pas dire de fausser ça. Ben, je sais pas. Attends un peu. On dit que le voltage... OK. Une pile qui utiliserait... Mettons que tu aurais une caméra qui utiliserait... un flash de caméra qui utiliserait 6 batteries 2A dans une série. Tu pourrais utiliser deux batteries, mettons, d'une certaine sorte. Et l'autre... Ouais, je pense que c'est ça. Bref, je suis pas certain. Je vais le relire en ronde pour pas prendre tout le temps. Mais il me semble que c'est à peu près ça. Les batteries 0 volt. Ensuite, c'est de l'huile d'olive dorée. OK. Ouais, pour être un petit peu plus fendant, un petit peu plus Trump, je pense. À la Maison-Blanche, on pourrait utiliser ça facilement. C'est une bouteille de vitre élégante, remplie à la main de flocons d'or mangeable 24 carats, qui flotte dans une mer d'huile d'olive vierge, qui a été Virgin Olive Oil. 1 100 $ pour cette flasque. 1 100 $. 1 100 $, mais c'est des flocons mangeables. Pour de l'huile d'olive. Miam, fait de la vraie or. Ensuite, c'est un cadran pour se réveiller le matin, bien sûr, un réveil matin avec des yeux qui tournent. Tu sais, comme les googly eyes qu'on peut mettre, qu'on peut coller un petit peu partout. C'est la même chose, mais dans un cadran. Parfait pour ceux qui n'ont pas besoin de savoir l'heure exacte, en fait, parce que ça ne dit pas l'heure exacte. Ce design qui va donc faire tourner l'œil de gauche pour vous dire l'heure et l'œil de droite vous dit les minutes, mais si vous plissez les yeux, vous allez voir qu'il y a une petite barre sur chacun des yeux que j'avais pas remarqué avant qu'on me le dise. Ah, ben oui! Et l'heure est vraiment la vraie heure. Donc si, bon, il est en haut, ça fait midi. S'il est en bas, ça fait 18h. Genre 6h. Ça coûte 20 $. Et les yeux vont bouger tout le long de la journée. Ça va être magnifique. C'est très drôle. Des secondes de divertissement, comme on dit. Ensuite, ça s'appelle Smart Nora. C'est une solution pour arrêter de ronfler. Très bonne idée. Okay. Pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie qui ronfle, je pense que ça pourrait être la meilleure chose. Ceux qui ronflent eux-mêmes, ça les dérange pas vraiment. Ouais, c'est ça. Donc, un système qui utilise votre oreiller que vous avez déjà et un aide anti-ronflement. C'est un pad spécial qu'on va mettre en dessous de l'oreiller et qui va se gonfler lorsque un sensor va détecter que vous ronflez. Donc, le pad qui va gonfler va permettre à votre tête de bouger juste assez pour stimuler les muscles de la gorge, ce qui va empêcher le ronflement. C'est fantastique. Génial. Ça pourrait remplacer même pour certains les machines de CPAP, là, les machines que tu mets sur la face qui te permettent de respirer avec de l'eau, avec de la vapeur. Donc, il y en a qui disent que ça pourrait remplacer ça. Ouais. Très beau aussi, très sympathique comme apparence, très, très feutré, je dirais. On dirait une serviette presque dessus. Et puis, le Smart Nora est portatif. On peut voyager avec. Ça fonctionne sur des piles et ça coûte 260 $ sur smartnora.com. Il nous en reste deux derniers. Pour commencer, le calendrier de l'Avent avec du whisky. On en parle pas mal à chaque année de différentes sortes d'alcool dans un calendrier de l'Avent. Ici, c'est Drinks by the Dram qui est de retour avec le calendrier de l'Avent 2016 au whisky. Vous n'allez pas avoir de chocolat du tout. C'est seulement des petits shooters. C'est des cylindres de cire de 3 centilitres. Des échantillons de whisky pour célébrer Noël. C'est aussi disponible en version rouge pour ceux qui veulent absolument que ça ait l'air le plus festif possible. La boîte normale est comme un genre de brun cartonné, okay. Si on veut. Ça nous dit ici World's Best Blended Whisky. Ça a gagné le World Whiskies Award en 2014. Et ça vous permet d'explorer de nouvelles sortes de whisky et des scotch. Attends un petit peu. Ouais, jusqu'à... Wow! Ça parle que tu peux essayer un scotch qui vaut jusqu'à 600 livres par bouteille. Wow! Donc, allez voir ça, des mélanges qui datent de 22 ans, 21 ans, 12 ans, 16 ans. Il y a un paquet de sortes comme ça et ça coûte quand même super cher. C'est, j'imagine, quoi, avant Noël, t'as quoi, 25 bouteilles? 24, je pense. 24? Ça se peut? 25. 25 pour le jour de Noël en tant que tel? Ouais. Pour 156 $ 70. Quand même. Et pour terminer, une tornade de feu dans votre appartement s'appelle le Flame Flex. Conçu par la start-up américaine du même nom et co-créé par les Américains et les Ukrainiens, c'est un appareil qui permet de créer une petite tornade de feu dans votre intérieur sans aucun danger. Pour ce faire, le Flame Rex est composé d'un cylindre métallique en rotation. Ce dernier crée une zone de basse pression en son centre. Et c'est là que la flamme est allumée par la base de l'appareil à l'aide de bioéthanol. La société insiste d'ailleurs particulièrement sur le côté écolo de son carburant. Ce phénomène est aussi observé dans les grands feux de broussailles ou les feux de forêt qui peuvent donner naissance à des tempêtes de feu. Donc c'est le même principe, la chaleur créée par l'incendie provoque un effet de cheminée vers le haut et la chute de pression à la base de l'incendie entraîne des courants d'air fluctuants donnant naissance à des tourbillons de flammes. Donc sans ce cylindre rotatif, la flamme ne mesurait que quelques centimètres au lieu d'être aussi allongée et torsadée. Du moment que vous ne gardez pas un tel engin à portée des plus jeunes, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. L'appareil est déjà fonctionnel et le Flame Flex... Est-ce que c'est le Flame Flex? On l'a appelé le Flame Rex tantôt, hein, je ne sais pas si tu te souviens. Flame Flex. Dans le même article, on l'a appelé de deux façons différentes. Ouais. Mais ça s'appelle le Flame Flex. C'est sur Kickstarter. Les donneurs reçoivent un modèle et en fonction de la taille de leur don, des accessoires permettant par exemple de changer la couleur de la flamme. Présentement sur Kickstarter, on devrait savoir qu'on est rendu à 40 000 $, donc 4 fois les 10 000 $ qu'on demandait. La société aimerait atteindre au maximum jusqu'à 80 000 $ pour améliorer la recherche et le développement dans le domaine. Il reste encore quelques jours pour en profiter, si je me souviens bien. Oui, il reste encore 8 jours voilà, pour le Flame Flex. Voilà, c'est tout. Hey, juste à temps. C'est bien. Génial. Les 20 liens sont sur assemblagerequis.com. Hey, nous, ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. Émission qui a passé très vite avec Gabriel Béhoud pour sa chronique dans les coulisses de la Luitre. Merci aussi à Sébastien F. Gertin pour son bulletin Gertin. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve demain. On va être jeudi. Et à l'émission du jeudi, on a la chronique de la GEQTR. Ça, c'est à 8h. Et on a une grosse pointe en dresse. On fait l'émission à 8h30. Je crois que David Ferron va encore nous tenir compagnie. Peut-être Alex Marchand aussi. Je pense qu'on a pris une bonne petite habitude d'avoir des invités à cette chronique-là. Oui. Pas mal plaisant. Sinon, sur nos ondes aujourd'hui, plus tard à 10h, c'est l'émission Compte à rebours, l'émission de Compte traditionnel. À midi, c'est Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 13h, l'émission Répond avec une chanson. À 14h, je crois que tu vas être de retour avec En piste avec Tania Baudin après 3 semaines d'absence. 2 semaines. Ouais, mais ça fait 3 semaines. Tu comprends? 2 émissions que tu as ratées, ça fait 3 semaines de temps. OK, oui, je comprends. 21 jours entre les deux. Ouais, possible. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Bien, on va faire un retour, bien évidemment, sur ce qui s'est passé dans le monde de la course automobile. Raphaël Lessard qui fait beaucoup parler de lui avec le championnat qu'il a remporté. Aussi Alex Labbé du côté de NASCAR Xfinity. Et on va parler karting, IndyCar. Et bien sûr, sujet divers, tour du web. Voilà. Génial, c'est à 14h avec En piste avec Tania Baudin. Moi, je vais aussi être de retour juste après toi pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Ouais. Émission de technologie, de choses geeks, de télévision, peu importe. Et de musique chiptune, ça commence à 15h. Ensuite, à 17h, c'est Audiomatique, émission de musique électronique. À 19h, la musique du monde dans l'Op Trotter avec David Ferron. CIF.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Page Facebook aussi. Twitter. Splashface. Et tout. On est partout. Partout, partout, partout. On est là pour partout. Vous. Jean. Passe une belle journée, Tania. Toi aussi, Mathieu. Et vous aussi, les petits. OK, à demain. 6 bon café. Bye, bye.